Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast parlons cinéma, j'allais dire non, c'est Movie Nerd hors série saga. Vous les connaissez, on en a fait pas mal. On a fait le dernier, c'était sur Harry Potter. Comme on était dans la période d'Halloween, d'habitude on en fait toujours un. On en avait fait un l'année dernière sur la saga en Halloween. En mars ou en avril? Non, c'était en novembre. Fin novembre qu'on l'avait fait. Et cette fois, on est un tout petit peu en avance par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû le sortir toujours le 31, mais ça c'est dans nos rêves. C'est toujours ce qu'on veut faire. Mais... voilà, c'est ça, exactement. Mais après, les soucis de planning, etc. Mais bon, ça c'est pas grave, vous êtes habitués. Et puis, c'est toujours sympa de parler de films d'horreur de toute façon. Du coup, comme on était dans la période d'Halloween, on a voulu refaire une saga qui se prête à cette période. Et du coup, on a choisi la saga Nightmare on Elm Street, donc Freddy en français. Voilà. Donc déjà, c'est peut-être pour vous dire le titre, donc moi c'est Axel, je suis l'hôte habituel du podcast Movies Nerd, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un fin connaisseur du cinéma d'horreur, et que vous connaissez déjà puisqu'il est invité dans pas mal de nos podcasts, c'est Adrien. Salut. Oui, bonjour Axel, et bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas ? Eh ben, ça va très bien. Je suis très content de refaire une émission sur le cinéma d'horreur, effectivement. Puisque il me semble que, même pas il me semble, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis il me semble, que j'étais déjà là au dernier consacré à Halloween et c'était très chouette. Pour Halloween, ouais. C'était ça, ouais. On l'avait fait ensemble avec Morgane. Morgane ne pouvant pas participer actuellement puisqu'il n'a pas de PC. On le fait. Pour des raisons techniques. Voilà, c'est ça, exactement. On le fait juste tous les deux, du coup. Mais c'est très bien aussi comme ça. Non mais c'est pas pour dire que Morgan veut dire ok wow. Non, Morgan, si t'écoutes, on t'aime beaucoup et on aime ce que tu apportes au podcast, mais voilà. Là on va parler de Nightmare on Elm Street, la saga dans sa globalité. Je vais vous dire le sommaire tout de suite, comme ça sera plus simple. On commencera avec une rapide, comme d'habitude en fait, on dit comment on a découvert la saga, par quel film on a commencé et comment. Ensuite, on parlera du coup de la saga dans son intégralité, avec un petit encart en milieu de podcast sur la série Freddy, puisqu'il y a une série. On vous rassure, on n'a pas regardé les 46 épisodes, il me semble, de la, ouais, de la série. Ouais, je te confirme. On n'est pas masochiste à ce point, on en parlera un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est qu'on inclut dans cette saga Freddy vs Jason et A Nightmare on Elm Street, le remake de 2010, qui est le dernier film Freddy à cette date, qui est sorti. Voilà. Et on finira, comme d'habitude, avec un petit classement des films de la saga selon nos avis personnels. Donc c'est un programme assez chargé, voilà. Qui n'était pas simple à faire, hein. Je le dis d'ores et déjà, que c'était pas simple du tout. Oui, de quoi, de regarder des films. si, de regarder des films, c'était toujours un plaisir, mais faire le classement, c'était effectivement pas. Ah oui, pas le classement, ouais. Le classement, ouais, c'est un peu. Ça dépend vraiment des des conditions dans lesquelles t'as vu les films et des choses comme ça aussi qui jouent pas mal sur. Parce que on va pas se cacher, il y a pas mal de films, enfin il y a 3-4 films de la saga qui se ressemblent pas mal et qui sont un peu flous, quoi, par rapport à si on les a vus il y a un petit moment. Je propose tout de suite qu'on passe aux premières choses du sommaire, qui est notre découverte de cette saga. La découverte de la saga Freddy ou Nightmare on Elm Street, ou même le personnage de Freddy, parce que c'est quand même un personnage qui est rentré dans la pop culture et qui est connu par beaucoup de monde, même des personnes qui n'ont pas vu les films connaissent le personnage de Freddy parce qu'il est, c'est un peu Terminator, un peu Predator, enfin c'est des figures comme ça qu'on connaît même sans avoir vu les films. Donc toi, Adrien, comment tu as découvert ce personnage et la saga ? Alors, j'ai vraiment, vraiment dû fouiller dans ma mémoire pour ça. Oui. Parce que, autant le vendredi 13, ma soeur, je me souviens très bien, parce que ça a été pour moi des portes d'entrée au cinéma d'horreur, autant Freddy, je pense l'avoir découvert vraiment sur le tard. Et je dirais que c'est potentiellement peut-être autour de mes 15-16 ans, ou peut-être un peu plus tôt, au Ouais. moment où vraiment je bouffais du cinéma d'horreur à l'appel, alors je me suis enfilé toutes les sagas un peu connues. Et Et effectivement, puis je pense que bah Freddy en faisait partie. Et t'es passé c'est par Wes pas... Craven et du coup ça Ouais, c'était mais un peu le alors passage attends, obligé parce quoi. que c'est pas impossible que j'ai commencé par le remake. Parce que quand D'accord. je l'ai revu pour le, quand j'ai eu le bonheur de le Ah oui, revoir pour cette le émission, bonheur absolu, le je me suis bonheur. dit quand même je le connais vraiment très bien ce film quoi. Donc ça veut dire que potentiellement je l'ai vu pas mal de fois. Mais Ah alors j'ai ouais, aucun souvenir, carrément. j'ai aucun souvenir de quand je l'avais vu. Donc Ouais, je me d'accord, dis c'est pour... comme les éléments traumatiques. Bah, Voilà, c'est c'est marrant parce ça, que voilà, c'est un ouais. peu de quoi parle le remake. Voilà, absolument. Donc quand je me suis dit, je me suis Oublier dit, les éléments ouais, c'est ça. traumatiques. Donc potentiellement, bon, c'est sûr que soit j'ai commencé par le remake, soit par le premier film, hein, c'est-à-dire j'ai pas vu les deux, les trois, je les ai vus vraiment très très tard, pour le coup. D'accord. Mais donc, oui, je devais connaître, pareil, encore une fois, c'est très flou dans ma tête, les images du Freddy à la peau brûlée, même si je suis pas du tout de la génération Freddy, hein. Je Oui, suis oui. né dans les années 90, fin années 90, donc enfin milieu plutôt, donc non, Ouais. c'était pas du tout à ce moment-là que les enfants, entre guillemets, connaissaient Freddy. Exactement. Ouais, ça a toujours été une figure de l'horreur qui était partout, quoi, dans les endroits un peu de farce et attrape, on voyait les masques, les griffes, les Oui, machins, les voilà. Et trucs. puis même dans la Et pop c'est une, culture voilà, c'est une plus icône de la culture large, populaire, c'est ça, on le voit dans plein de trucs. dans les Simpsons, par Récemment, il y avait exemple, dans dans les Simpsons, on le voyait récemment, un équivalent de Rick et Morty aussi. Ouais, Voilà, il y a exactement. vraiment beaucoup, beaucoup de références à Freddy dans la pop culture. Ouais. Mais cela étant dit, je ne pense pas avoir su ce qu'était Freddy avant d'avoir vu donc soit le remake, soit le premier film. Donc ça, c'est une certitude. Donc voilà, rien de très marquant en ce qui me concerne. J'ai vraiment découvert la saga sur le tard. D'accord. Alors pour moi c'est un peu spécifique parce que ça en fait le j'ai je pense enfin j'ai découvert le personnage de Freddy avant les films comme beaucoup de monde je pense de notre génération des années 90 mais c'était assez particulier parce que en fait mes parents qui avaient fait un voyage à New York avant que je naisse donc en 94 93 94 voilà et ils étaient allés au Hard Rock Café de New York et il y avait là-bas le costume de Freddy. Et du coup, pour moi, Freddy, c'est le moment où enfin, mes parents mo me montrent cet album photo avec une photo d'eux à côté du costume de Freddy. Donc avec le masque et tout et le polo. Rouge et vert, et enfin voilà tout, les griffes, etc. Et c'est vraiment. C'était quelque chose qui était vraiment ancré dans ma mémoire parce que je me rappelle que bon, mes parents ils me disaient oui, voilà, c'est un personnage de film, mais on peut pas te le montrer parce que voilà quoi. À 5 ans ou à 6 ans, je pense que tu étais bien traumatisé si tu vois ce genre de choses. Mais bon, après, il y a des gens qui ont vu des films à des âges pas possibles et ils s'en sortent très bien, hein, mais moi je sais que peut-être que j'en serais pas ressorti indemne. Donc voilà, c'était vraiment un personnage que je voyais souvent parce qu'on regardait pas tous les jours les albums photos, mais quand même. Du coup, ça a toujours été quelque chose de présent dans ma mémoire. Dans ma mémoire. Donc quand j'ai voulu découvrir un peu le cinéma des années 80, 90, un peu culte, que j'avais pas pu voir autrement, Freddy, ça faisait partie des films que je voulais absolument voir, quoi. Donc je me rappelle avoir acheté le DVD dans un supermarché, dans un Intermarché pour être plus précis, un DVD bradé, quoi, à 3-4 euros. Du premier, A Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la Nuit, quand j'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le film et que je suis. Honnêtement, que je suis tombé amoureux du cinéma de Wes Craven. Enfin, je ne savais pas encore que c'était le cinéma de Wes Craven. Oui, je Pour connaissais pas moi, le nom non c'était. plus, hein, Ouais, clairement. voilà, c'est ça. Pour moi, c'était Freddy, donc Les Griffes de la Nuit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au niveau de ma cinéphilie d'horreur. Plus précisément, et voilà, ça fait encore partie honnêtement, le premier, Les Griffes de la Nuit, c'est quelque chose d'assez culte pour moi et d'assez marquant parce que je l'ai vu au moins 6-7 fois depuis que je l'ai vu la première fois, quoi. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. On va en parler juste après, mais donc voilà, c'était pour notre découverte de la saga Nightmare on Elm Street ou Freddy. Et donc, on va directement passer au premier épisode de cette saga, celui que j'ai découvert en premier, c'est A Nightmare on Elm Street, donc Les Griffes de la Nuit en français, réalisé et scénarisé par Wes Craven, qui est sorti aux États-Unis le 16 novembre 1984, et en France le 6 mars 1985. Il était interdit au moins 12 ans en France. Au niveau de la distribution, on va retrouver toujours, sauf dans un des films, Robert Englund, qui est un peu. C'est aussi lui qui a fait le personnage, clairement. Oui, absolument. C'est son interprétation qui a marqué les spectateurs et qui en a fait un personnage vraiment culte. Robert Englund, qui interprète Freddy Krueger. Heather Langenkamp, qui interprète Nancy Thompson. Ce film est aussi culte pour le fait que ce soit le premier, il me semble, film avec Johnny Depp, ou un de ses premiers en tout cas. Son premier film, je te le confirme. C'est son C'est son premier premier film, ouais. film. Ah, Il avait quoi, 16-17 ans? Enfin, je sais pas, il avait l'air d'être assez jeune, je trouve. Peut-être la vingtaine. Voilà, il joue le petit copain de Nancy Thompson, donc l'héroïne principale du film. Et sinon, il y a d'autres acteurs, donc John Saxon qui joue Donald Thompson, qui est le père et policier, du coup, enfin, c'est le père policier de Nancy Thompson. Ronnie Blakely pour Marge Thompson, donc la mère. Et voilà, et après, des adolescents qui vont se faire tuer, dont on n'a pas retenu le nom. Clairement. Donc voilà. Premier film Nightmare on Elm Street. Toi, tu l'as pas vu pour la première fois, du coup, Non, clairement pas. pour là maintenant, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en as pensé du coup en le revoyant? C'est un Est-ce qu'il film tient? Il tient la route, Ouais. absolument, oui. C'est un film qui est très réussi. Alors moi, voilà, j'ai une pensée un peu, je sais pas si on peut dire iconoclaste, mais j'ai une pensée un peu différente de la majorité des fans d'horreur concernant Freddy, puisque pour moi, tous les films, excepté peut-être Freddy sort de la nuit, qui est un cas un peu particulier, Ouais. sont clairement, voilà, c'est pour moi, c'est clairement de la série B. Et je dis pas ça du tout Oui, pour insulter. pour insulter ou pour dénigrer le film. Simplement, je trouve que quand tu compares avec les grandes licences d'horreur que peuvent être par exemple Halloween. Halloween ou je pense aussi à Black Christmas, je trouve qu'il y a une forme de fun décomplexé dans ces films-là et C'est d'aspect déjà un peu humoristique, hein, déjà un peu ça. humoristique, hein. On voit bien que Craven est pas totalement, d'ailleurs il le dira lui-même dans plusieurs interviews, est pas totalement à l'aise avec le genre de l'horreur et il aime bien, voilà, le subvertir un peu. Et je trouve que c'est un peu visible dans ce film-là, ce qui fait que parfois il y a une manière qu'ont les acteurs de surjouer un peu ou de sous-jouer. La caméra est pas toujours placée là où il faut. Et il y a surtout, et ça c'est ça qui m'a fasciné dans ce premier film, qui me fascine toujours. Une ambiance sonore qui est extrêmement caractéristique, hein, du film. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas vraiment. Il y a quelques bruits aigus, il y a un peu une musique inquiétante, mais parfois il y a des éléments comme de la batterie, ce genre de choses qui peuvent paraître complètement, quasiment de la techno, complètement hors ton en fait. Oui, c'est vrai. Et alors ça me semblait être un problème quand j'ai vu les films pour la première fois et après, où je me disais, bah, moi je peux pas avoir peur en regardant ça. Et quand j'ai revu le film, je me disais que c'est un film qui est peut-être en fait plus malin que ce que je pense. Dans le sens où Freddy, on le sait, manipule aussi, et ce sera vraiment visible dans Freddy sort de la nuit, le réalisateur et la mise en scène en général. Voilà, c'est un peu lui qui fait le film. Tu disais tout à l'heure que Robert Englund faisait le film. C'est exactement ça. Et c'est Freddy qui fait le film. Le film, c'est pas un film de Wes Craven, c'est un film en quelque sorte de Freddy Krueger qui lui décide comment ça commence et comment ça finit. D'ailleurs, le poncif qui viendra plus tard du le méchant est jamais mort. Je peux pas dire complètement que ça a été inventé par Oui, le Wes non, Craven, hein, on en trouve des traces dès les années 70, mais Là, ça prend un ton un peu différent, puisque quand Freddy survit systématiquement, c'est vraiment parce qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune règle, et ça, c'est Et très, très puis visible dans la le reste de la fin saga. du... j'ai oublié de dire, hein, on va spoiler, c'est Vas-y, normal. ouais, oui. C'est toujours avec les hors-série saga, on spoil. La fin est quand même très... Enfin, moi, je me rappelle avoir été vraiment marqué par cette fin, et je la trouve que c'est la fin la plus maligne de toute la saga Freddy, Oui, d'ailleurs. c'est très fin et c'est très inventif surtout. Parce Parce qu'on qu'on le, sait, on sait voilà, jamais voilà. vraiment quand le rêve s'arrête ou quand la réalité commence. Et C'est là que le film est c'est... réussi et c'est ce que quelque part les suites perdront ça. C'est ça. C'est-à-dire que dans les suites, on a clairement une distinction très claire entre le monde du rêve et le monde de réalité, alors que ce qui fait la force de ce premier film et ce qui le met quelque part au-dessus des autres et qui en fait un vrai bon film au-delà d'être un Et excellent divertissement un bon film horrifique d'horreur et aussi. un bon film d'horreur, c'est cette confusion, c'est cette perte. Voilà, on est un peu dans la même vibe que des films récents comme Grave Encounters ou des films comme Blair Witch par exemple, c'est-à-dire dans le sens où au-delà de l'aspect second degré du film, il y a une confusion entre le rêve et la réalité, où en fait à la fin on découvre que potentiellement ça pouvait être un rêve depuis le début du film quoi. Donc c'est très très intéressant. Et voilà, je revenais tout à l'heure sur l'aspect la mise en scène et surtout l'atmosphère sonore très particulière du film. En revoyant le film, je me suis dit que c'était peut-être aussi du Freddy, ça. C'est Freddy qui choisit quand on est dans le rêve et pas dans le monde de réalité. Il y a des musiques très différentes d'ailleurs. Qu'est-ce qui va rythmer le rêve? Qu'est-ce qui va rythmer au point de vue de la mise en scène, du point de vue de la mise en scène sonore? Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc peut-être que c'était pas pensé comme ça par Wes Craven, mais quand je revois le film, pour moi, c'est très clair qu'il y a un côté volontaire dans le décalage constant qu'il y a dans ces scènes d'horreur, dans ces scènes de rêve, quoi. Et au-delà de ça, c'est évidemment, mais ça, c'est peut-être pas le plus réussi de la saga à ce niveau-là, mais d'un point de vue visuel, c'est évidemment très inventif, hein. Ah oui, non, mais Les longs bras de Freddy au début, Johnny Depp, non, c'est pas Johnny Depp d'ailleurs, mais le si, c'est, je dis des bêtises, Johnny Depp qui se fait quoi? littéralement Aspiré par broyer, son aspirer et lit broyer en sang par et son lit. les litres de Ouais. sang qui Les litres de explosent sang dans un qui sortent du geyser. lit, enfin c'est Ouais. extrêmement bien fait, quoi. C'est Oh, mais c'est... très bien fait. Honnêtement, moi, c'est Ouais. pour ça que j'adore ce film, c'est Oui. qu'il est magnifique à regarder, en fait. Voilà. Même si ça paraît un peu cheap à certains moments, parce que clairement, ils avaient pas budget, et puis même à l'époque, les moyens étaient limités, hein, Oui. clairement. Bon, après, quand on verra ce qu'ils feront avec le remake, moi, Ah bah là, c'est le problème, c'est que le remake, on voit bien qu'ils l'ont rien compris, au mais niveau oui. visuel, clairement, C'est moins bien fait, c'est quand même étonnant, c'est quoi. moins bien fait qu'un film de Mais, 84, quoi. Mais ouais, c'est aussi absolument. pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ce film, c'est ses effets spéciaux, cette inventivité décomplexée complètement, mais qui part pas non plus dans le tout à fait n'importe quoi comme ça Alors partira plus non, ça tard. c'est autre chose une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que contrairement aux autres films de la saga et même aux autres films de Wes Craven comme Scream, Les Griffes de la Nuit, donc ce premier Freddy, ne confond pas cynisme et métatexte. C'est-à-dire que c'est un film qui est clairement métatextuel, voilà, c'est ce que je disais, il y a ce côté un peu décalé dans la musique, il y a Freddy qui regarde limite la caméra de temps en temps, et voilà, à la fin on comprend que c'est lui qui manipule le scénario. Et un peu comme Freddy sort de la nuit d'ailleurs, que j'aime beaucoup, Moi je... c'est un film qui est pas cynique dans le sens où les morts c'est des vrais morts quoi, c'est un film qui est sombre, c'est pas un film où il y a du gag partout permanent, voilà, comme moi je pense notamment à Freddy 6 dans ce sens-là, c'est pas un film qui a du gag partout et permanent, c'est un film qui est, on peut pas dire premier degré parce que je pense que c'est pas le mot, mais c'est un film qui est très sérieux dans sa démarche et qui voilà, où il y a du métatexte mais où il y a pas de cynisme, et ça c'est un espèce de, il marche sur une corde raide qui est très très intéressante à analyser quoi, c'est pas juste un espèce de navet fait pour rigoler Freddy, c'est aussi un très bon film d'horreur très malsain, voilà, qui parle de thématiques très fortes, voilà, je pense notamment à la confusion, voilà, dont on parlait tout à l'heure entre rêve et réalité, qui, voilà, c'est vraiment cinématographique comme idée, quoi. Et je trouve que là, bon, il y a eu des problèmes de censure, il y a eu c'est un film qui a pas mal dérangé à sa sortie, et voilà, qui aujourd'hui est une référence. Et je trouve que c'est très mérité, voilà, quand on voit des films comme Vendredi 13, ce genre de choses, on peut se dire, oui, bon, avec le recul, on peut s'interroger un peu sur ce qui a fait, qui ont été Ouais, particulièrement pourquoi reconnus. il est devenu culte, Voilà, mais... c'est ça. Freddy, on comprend, quoi. Ouais. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui touche aussi, par la thématique du rêve, à l'universel, en fait. Et puis c'était très inédit. Enfin, Oui, honnêtement, absolument. t'avais rien vu de pareil au cinéma à cette époque-là. Oui, absolument, je suis tout Clairement. à fait d'accord. Non, vraiment, Ouais. je trouve que c'est un film qui est très réussi, qui a ses problèmes, voilà, dont je parlais tout à l'heure, on ne sait pas très bien si c'est exprès ou pas, de décalage parfois un peu trop marqué, de jeu d'acteur parfois un peu sur la corde raide, mais qui est un peu symptomatique c'est très de réussi. ce genre de cinéma aussi, hein. Oui, Clairement. ça, je suis moins sûr, mais c'est plus symptomatique, je pense, des grosses productions, entre guillemets, même si je ne sais pas si on peut dire que Freddy 1 était une grosse production. C'est en tout cas symptomatique des grosses sagas, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit problème de... On a l'impression qu'ils voient quelque part un peu trop loin par rapport à leurs ambitions. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est un film qui, au-delà de tout ça, au-delà de ses petits défauts, est vraiment très réussi, quoi. C'est vraiment un excellent film, Ouais, mon avis. Excellent film d'horreur. je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment, je pense, si je devais faire un top 10 de mes films d'horreur préférés, il y serait, clairement. Oui, moi, il faut que j'y réfléchisse, mais Oui, parce que toi, c'est t'en as vu possible. plus que moi, clairement. Non, non, moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui continue de me marquer, que je continue à avoir un très très grand plaisir à regarder. L'inventivité, comme j'en parlais, enfin. Moi, j'aime beaucoup la réalisation de Wes Craven, même si elle est un peu bizarre, comme tu l'as dit à certains moments, Mais c'est ce qui fait, c'est la force du film aussi, qui fait la force du film, hein. justement. En fait, ce qui est fait la force du film, c'est qu'il est inattendu. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va voir, et à chaque nouveau plan, à chaque nouvelle coupe dans le montage, on ne sait pas où est-ce qu'on va être amené. Et c'est ça qui fait la force de ce film, je trouve. Toute l'ambiance, que ce soit sonore ou visuelle, est vraiment très très réussie, comme tu as dit. Moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien la manière dont ils ont codifié les choses, et ce sera retrouvé dans toute la saga. Par exemple, les nuées de fumée, dans les rêves, les choses comme ça. C'est des codes, qui devaient inventer pour ce film, et je trouve que ça fonctionne très bien. Oui, ça vient aussi un peu de la Hammer, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que Wes Craven, alors qu'il n'aime pas, en tout cas qu'il n'est pas fan entre guillemets du genre horrifique, il en a vu beaucoup et ça se voit, quoi. C'est-à-dire que le côté brouillard dans les moments de doute entre rêve et réalité, ça évoque les Dracula, ça évoque Oui, c'est même clair. précédemment à cela, donc c'est vrai que c'est assez étonnant à ce niveau-là aussi. Et en fait, ouais, il prend ce qui a été fait, enfin, ce qui a fonctionné dans le passé, et il fait clairement à sa sauce. Et ouais, non, honnêtement, moi, j'aime beaucoup beaucoup ce film. Ce que j'adore aussi, c'est tout l'aspect, il faut qu'on reste éveillé pour survivre, justement. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup dans la saga Freddy. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas été tellement bien abordé, à part dans celui-ci et dans le troisième. Oui, je te le confirme, même si Voilà. le remake dont on parlera tout à l'heure, on a fait un thème, on a fait Il en a fait un un thème thème principal, majeur sans pour mais autant savoir l'utiliser. Mais on en c'est reparlera, ça. mais effectivement, je pense que c'est la réussite de ce premier film aussi, c'est l'épuisement des personnages, très Voilà, c'est clairement. ça. Et Ouais. Sort de la nuit aussi. Oui, il sort de la nuit aussi, mais Il y a qui aussi voilà, qui a un ça, cas très particulier avec qu'on expliquera. l'enfant, où on ne sait pas vraiment si c'est sa mère qui l'empêche de dormir, ou si c'est. Enfin, ouais. Oui, absolument. Moi, ce que j'adore, ouais, justement, dans cette saga, c'est le questionnement perpétuel de savoir si on est dans un rêve ou dans un cauchemar, dans un rêve ou dans la réalité, même si ce sera un peu trop abusé dans certains épisodes. C'est cette question, justement, de pas vouloir dormir, et du coup de prendre des médicaments, de se droguer, ou de faire n'importe quoi pour rester éveillé, se brûler, etc. Enfin, ça, c'est une... voilà. Et aussi, la confrontation, ce qui est assez, enfin, ce qu'on retrouve dans beaucoup de films d'horreur, c'est la confrontation adulte versus teenager ou adolescent. La façon dont les adultes, déclassent clairement, enfin, disent, mais tu enfin, c'est n'importe quoi de ce dont tu rêves, c'est clairement des choses inventées, c'est ton esprit qui te fait des tours, alors que clairement c'est une menace qui existe dans le film. Et du coup, la question de, est-ce que les adolescents, il faut pouvoir faut les écouter, quoi. Faut pas dire, ah bah, ça, c'est juste une connerie d'adolescent, ça lui passera dans 5 jours, quoi. C'est la façon dont ils mettent en confrontation les idées adultes et les idées d'adolescents slash enfants, dans ce film principalement, et dans deux trois autres exemples. Le 3 aussi, que je trouve aussi, enfin, le premier et le 3 sont très liés, et je les aime beaucoup pour ça. Et du coup, voilà, c'est des questions que j'aime beaucoup, et qui sont très bien, comment dire, décrites dans ce film et qui sont très bien mises en scène pour en faire un film très intéressant à suivre. Honnêtement, moi, quand je regarde ce film, je m'ennuie pas, que ce soit visuellement, oui, que ce soit au niveau du scénario, etc. Il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose à découvrir, et c'est ça qui en fait vraiment sa force, quoi. Et aussi la manière dont c'est un peu à la Halloween premier du nom, c'est-à-dire que ça se passe sur la plupart du film se passe sur un quartier, deux maisons, une en face de l'autre. Oui, c'est intéressant. Oui, ouais, je suis d'accord. L'inventivité voilà. qu'il arrive à tirer de ce monde réel très restrictif, en fait. Ouais. C'est ça, voilà. Parce que on est clairement juste sur une partie de Elm Street. C'est ces deux maisons en face, et c'est la copine qui essaye d'appeler son petit copain qui, en même temps, enfin qui regarde MTV avec le casque sur la tête. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup, c'est les capsules temporelles un peu que sont les films de Freddy, parce que à chaque fois on découvre. Enfin, c'est clairement une marque dans le temps où on a des posters de groupes très spécifiques ou de joueurs de football ou de basket, ou, ouais. et on a MTV, etc. Enfin, on voit aussi la culture parentale qui est contre la culture adolescente émergente des années 80, la culture parentale qui date des années 50-60, quoi, et qui est confrontée à toutes ces nouvelles technologies, etc. C'est vraiment un film qui est super intéressant. Et Wes Craven a vraiment un truc avec les téléphones. Je sais pas. J'ai remarqué ça, honnêtement. Absolument. Ouais, quand tu vois Freddy sort de la nuit aussi. Oui, absolument. Tu remarques que Wes Craven a vraiment un truc. Je sais pas, il a un fétiche du téléphone. Oui, c'est comme le radiateur et David Lynch. Hein. Oui, c'est exactement, ouais, exactement ça. Et du coup, moi j'aime beaucoup, les thématiques qu'il aborde. Et le film est vraiment très très bien. Donc moi, clairement, si bon, après, je sais pas pourquoi vous écouteriez un podcast si vous n'avez pas vu les films, mais si vous n'avez pas vu ce film-là, le premier, clairement, c'est pour moi c'est le film à voir de la saga, clairement. Même si il peut paraître un peu vieillot sur certains aspects, pour moi, par exemple, la scène où la fille se fait projeter contre le mur et elle se fait retourner dans tous les sens, etc. Pour moi, elle tient encore la route aujourd'hui, quoi. Et clairement, la manière dont il le refait dans le remake, on en reparlera, mais c'est tellement atroce. La copine, elle fait des bruits d'avion quand elle vole dans la pièce. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. On aura le temps de recracher sur le remake. Mais voilà, donc. Je vous le conseille énormément. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter dessus ou on passe. Non, pas du tout. Si, au deuxième. Sinon, pour moi, c'est pas le plus intéressant de m'en dire, viens là. Mais oui, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et qui est tout à fait recommandable. Ouais, ok. Très bien. On passe au deuxième. Le deuxième. Alors, je crois qu'on n'a pas du tout le même avis dessus, ça va être intéressant. Mais... Si, je pense qu'on a à peu près le même avis. Ok. Mais peut-être un tout petit peu nuancé, mais sinon, c'est quand même... On va en voir. Du coup, A Nightmare on Elm Street, part 2, part 2, Freddy's Revenge, ou Les Griffes de la Nuit, La Revanche de Freddy. Réalisé par Jack Shoulder, et scénarisé par David Chaskin. Robert Shay, c'est le producteur, en fait, qui a produit tous les films de la saga. Du plus bon au moins bon. Comme qui a aussi il a aussi produit le Seigneur des Anneaux, hein, au cas où plus tard, mais donc voilà, et lui c'est un peu, on le verra aussi dans Freddy sort de la nuit, mais c'est quelqu'un d'important dans la saga Freddy. Le film est sorti le 1er novembre 1985 aux États-Unis et le 26 février 1986 en France. Au niveau de la distribution, l'acteur principal n'a même pas de page Wikipédia. Max Patton, ouais. Max Patton. Pourtant, il a une histoire très spécifique. Mais ouais. Ah ouais. Oui, je te raconterai. Ouais. Mark Patton, Kim Myers et du coup Robert Englund, toujours pour Freddy Krueger. pour résumer un peu le film, c'est 5 ans après les meurtres du coup du premier film. Il y a une nouvelle famille qui s'installe dans l'ancienne maison des Thompson, les Walsh, et du coup le fils qui est interprété du coup par Mark Patton, Jesse, il occupe l'ancienne chambre de Nancy. Il devient bien sûr, enfin il a des cauchemars comme Nancy et toute la clique du premier film commençait à les avoir concernant Freddy Krueger. Voilà. Et c'est un film intéressant. Moi j'aime bien dire ça pour dire, enfin voilà, il a un petit charme clairement qu'on peut pas lui retirer. Du coup, toi qu'est-ce que tu en penses de ce film? Ah, alors moi je trouve ça très bien. Alors en fait, il faut vraiment remettre cette histoire dans ce film-là dans son contexte. On est à un moment, donc on est un peu avant ce que les Américains appellent la AIDS paranoia, c'est-à-dire on est un peu avant toutes les problématiques de SIDA qui vont arriver. Et on est dans un film en quelque part en pleine libération sexuelle. Et notamment homosexuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le film au départ avait pas du tout été écrit comme ça, et que c'est au fur et à mesure de la production, notamment parce que c'était, du coup, c'était voulu, hein. Oui. Ah non, mais justement, c'est ce que je veux expliquer. En fait, c'est exactement ça. C'est que Justin, qui est le scénariste du film, a considérablement accentué l'aspect déjà présent d'homosexualité et de bisexualité dans le film. Et aussi problématique de genre, hein. C'est pas pour rien si le personnage principal, Jesse, a un nom comme ça aussi, ce qu'ils appellent gender neutral, quoi. C'est-à-dire masculin, féminin. Et en fait, il y a toute une histoire autour de ce film, notamment parce que l'acteur principal, Mark Patton, a été identifié suite à ce film-là et à un autre film qu'il a fait, comme homosexuel, ce qu'il était simplement, il n'était pas encore sorti, si on peut dire, du placard. Ouais. Pourtant, voilà, il a été clairement typé ensuite dans la plupart des films qu'il a fait dans le rôle homosexuel. Il faut savoir qu'il en a toujours beaucoup voulu à Chaskin d'avoir mis ça sans consulter dans le film, sachant que tout le monde n'a pas. Il faut savoir que tout le monde n'a pas la lumière à l'étage qu'il faut, parce que le réalisateur s'était pas du tout rendu compte de ce qui se passait. Lui, quand il a réalisé le film, il a dit. Ouais, j'étais pas, et quand il en a parlé après, il disait, je m'étais pas du tout rendu compte que c'était un film à ce point tendancieux, alors que Englund, lui, qui est très intelligent, dit, mais depuis le début, il me semblait que c'était évident pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est pour ça, en fait, qu'il y a une part d'innocence, en fait, dans le film. Ouais. Justement, où on a l'impression qu'on sait pas vraiment s'ils s'en rendent compte ou pas. Voilà, c'est ça. Alors que c'était dedans, hein. C'était dedans. Ouais, d'accord. Et vraiment, depuis le début, enfin, il y a des trucs, il y a par exemple, des moments complètement on parle même plus d'homosexualité là, on parle carrément de déviance, des moments où par exemple pour tuer une de ses victimes, Freddy lui fouette les fesses avec une serviette dans la salle de bain. Enfin c'est vachement, mais quelque part moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il est encore une fois, tu parlais tout à l'heure de capsule temporelle, là c'est exactement ça, quoi. C'est une espèce de plongée dans toutes ces aires de libération sexuelle et toutes ces problématiques. Qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel? Qu'est-ce que c'est qu'être hétérosexuel? Est-ce que c'est intéressant tout simplement de mettre des mots sur les attirances sexuelles de chacun? Là, c'est un film qui à ce niveau-là complètement délirant, quoi. Et complètement bon, alors est-ce qu'on peut dire après que c'est un film d'horreur? Bon, clairement, on n'a même pas l'impression que le motif c'est de faire peur. Non. Y a des problématiques de jeu d'acteurs qui sont très très très prononcées. Oh oui. Je trouve qu'en termes de... Ouais. C'est un mot qui va revenir vraiment beaucoup hein, dans ce que je vais dire sur la saga, mais en termes d'inventivité, je trouve qu'on arrive quelque part à un sommet, là, en termes d'inventivité. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement original. On va quand même rappeler, du coup, parce que c'est... Enfin, la base de Freddy, comme posée dans le premier film, donc qui est un peu surtout ce dont on va se baser le reste... c'est que Freddy peut uniquement intervenir dans le monde des rêves et que la réalité, normalement, il peut pas trop y toucher. Et le seul truc pour ramener Freddy dans le monde de la réalité, c'est de le choper ou quelque chose comme ça, et que dans ses rêves, et du coup que quelqu'un réveille la personne qui dort pour le matérialiser en fait dans le monde de la réalité. C'est les bases. De cette saga. Et du coup, dans le 2, du coup, le scénariste a dit, fuck. Ouais, mais ça, c'est très, très un classique non seulement de Freddy, voilà, où on va avoir des allers-retours assez considérables, mais même des sagas horrifiques en général, les Vendredi 13, ce genre de choses, tous semblent avoir des codes au début du film qui vont complètement se désintégrer par la suite. Hein. Donc, oui, ça, bien sûr, oui. Ouais. Oui, mais absolument. Ouais. Mais, et du coup, donc, dans ce film, dans le 2, Freddy prend possession en fait de Jesse pour commettre ses meurtres, quoi. Et du coup, en fait, c'est pas qu'il prend possession et qu'il a toujours l'apparence de Mark Patton, donc de l'acteur qui joue Jesse, c'est que clairement le personnage se transforme en Freddy Krueger à la manière un peu de la mouche de Cronenberg. Oui, quoi. Oui, c'est ouais, vraiment, je sais pas ce que tu veux dire. Il perd sa peau pour en dessous avoir Freddy, quoi. Et c'est ça donne des moments de body horror assez intéressants dans le film, je trouve. D'ailleurs, ouais, c'est peut-être un des seuls qui a vraiment des moments un peu cronenbergien comme ça. C'est Alors, je sais pas si c'est un des seuls parce que je trouve que Freddy 3 a quelque chose de ça aussi. Mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, ouais. c'est c'est extrêmement vraiment visuel et marqué, graphique. Hein. C'est et très on le voit graphique. Hein. souvent, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est donc Freddy tue dans la réalité et est présent comme personnage dans la réalité sans qu'on l'ait sorti du rêve, quoi. Ce qui détruit un peu les codes du premier, mais ce qui est aussi intéressant, du coup, mais qui surprend, du coup, parce que dès le 2, on casse les codes. Enfin, moi, honnêtement, quand je l'ai vu, je l'ai pas dit pour la découverte de la saga, mais j'ai vu que le premier. Tout le reste, c'était que des découvertes. J'avais vu aucun des autres. Donc, pour moi, qui m'attend, moi, honnêtement, je m'attendais à ce genre de cassage de codes. Au partir du cinquième, du Oui, sixième, tu non, vois, là d'ailleurs, genre Halloween 6 ou Halloween 7, où on détruit complètement les codes et on fait n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, Craven n'a pas tellement aimé ça. Hein. Je me souviens d'avoir lu ça à la sortie du film. Craven, il trouvait le script complètement con. Hein. Et il disait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça brise tout ce que j'avais mis en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est un petit peu plus Impliqué dans le 3. impliqué dans le troisième film. Et bon, quelque part, moi, je trouve ça toujours dommage parce que c'est une forme de censure artistique de refuser qu'on aille ailleurs que ce qu'on avait prévu. Oui, bien Et sûr. d'autant que ça fait de ce film, encore une fois, quelque chose de très spécifique avec Ah oui. cette espèce de final girl, entre guillemets, qui en fait est un homme, quoi. Et pourtant, il est écrit comme l'était écrit dans le film précédent. Ça, c'est vachement intéressant et c'est assez unique dans l'histoire du cinéma d'horreur, encore une fois. Hein. C'est vrai. Dans l'histoire des slashers, c'est assez unique que le personnage principal, in fine, soit un homme. Et que c'était ce last person standing soit voilà Jesse et c'est je pense que c'est pas tout à fait à distinguer du fait que lui-même soit pas très au clair d'un point de vue sexuel ou même du point de vue de son genre Oui. en général quoi même si les deux questions évidemment sont à distinguer. Oui. Ouais, donc en général, du coup, le film, t'en as pensé quoi? C'est un film que tu regardes avec Ah plaisir oui, avec un grand que, ouais. plaisir, je trouve que c'est un film qui est très drôle, et puis voilà, moi j'apprécie beaucoup l'aspect que j'ai déjà évoqué de capsule temporelle et d'originalité totale de ton, quoi. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un film qui a par ailleurs d'énormes problèmes en termes de jeu d'acteur, même en termes de scénario, c'est pas très cohérent, voilà, il y a beaucoup de problèmes, mais je trouve que À la scène c'est intéressant, avec quoi. C'est un film qui est la pool intéressant, hein. party là, Oui, voilà, c'est des la moments qui piscine et sont tout ça, représentatifs de l'époque, mais qui sont un peu cons. Voilà, ouais. c'est un peu con, il faut le dire. Ouais, non, Mais c'est d'ailleurs cet exemple-là que prend Craven pour dire, Freddy est supposé être effrayant, et là il se fait mais là il se balade dans une piscine avec des adolescents qui sont tous plus grands que lui. Je trouvais que et voilà, il a raison de dire ça à Craven, mais je trouve que d'un autre côté, c'est assez intéressant parce que c'est un ton qui est très spécifique. Oui, c'est clair. Hein, Ouais. non, mais c'est vraiment très spécifique. Et honnêtement, c'est un film intéressant à voir. Ça m'a un peu pris de court en le Oui, voyant ça pour la première m'étonne pas. fois. Moi aussi, quand je l'ai vu la première C'est fois. clairement. Mais honnêtement, plus j'y pense, plus j'ai envie de le revoir, en fait, avec ce nouvel angle de lecture. Bon, même si je m'en étais rendu compte au bout de 15 minutes dans le film, hein, mais voilà, quoi. C'est quand même un film que j'apprécierais de revoir, je pense. Voilà, c'est. En fait, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est juste que je trouve que l'inventivité, justement, des scènes d'horreur sont plutôt intéressante. Tout ce que j'ai dit au niveau du body horror, tout ça, c'est quelque chose que, même si on le voit un peu dans le 3, a pas été trop exploré, justement, dans la suite. Et pour moi, c'est vraiment ce qui rend le... En plus de toutes ces questions de genre et de sexualité, qui rend le film intéressant à regarder, en fait, en tant que fan de cinéma d'horreur et fan d'effets spéciaux bien faits ou mal faits. voilà, donc honnêtement, moi je vous le conseille encore, parce que c'est comme tu as dit, c'est une capsule temporelle, hein. Clairement. Oui, c'est pas un film intéressant du tout. C'est l'époque Village People, clairement, enfin vraiment, honnêtement. T'as l'impression de voir un clip de Village People, c'est YMCA ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment décomplexé à mort, et c'est vraiment marrant de voir ça, quoi. Enfin voilà, donc c'est un petit film qui paye pas de mine, mais qui est plutôt sympa, et qui a dû être défoncé à sa sortie, je pense, mais qui, avec le recul, s'apprécie plutôt. On va passer du coup au troisième. Nightmare on Elm Street, Dream Warrior, donc les griffes, pardon, du cauchemar. Ici, du coup, à la réalisation, on a Chuck Russell. Ah mince, j'ai oublié de dire, pour le 2, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est le plan Steadicam, qu'on passe de la cave jusque dans la chambre de la petite fille qui est la sœur de Jesse, et que j'ai beaucoup aimé, en fait. Okay. J'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 idées de mise en scène qui étaient vraiment intéressantes. Et moi, de toute façon, quand il y a des plans Steadicam, j'aime beaucoup. Donc, et quand ils sont bien faits. Et là, c'était bien fait. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur le troisième, Les Griffes du Cauchemar, réalisé par Chuck Russell. Au scénario, on a Wes Craven qui revient, Bruce Wagner, Frank Darabont et Chuck Russell, donc réalisateur du film. Il est sorti le 27 février 1987, donc 2 ans après le deuxième, et le 17 juin 1987 en France. Du coup, distribution intéressante, puisque on retrouve Heather Langenkamp en Nancy Thompson. Il y a Craig Wasson, il y a Patricia Arquette dans un de ses premiers rôles. Robert Englund, du coup, toujours Freddy Krueger. On a Laurence Fishburne aussi dans un de ses premiers rôles. Du coup, voilà, on a plein d'autres acteurs, Rene Eastman, Jennifer Robin, voilà, pour les principaux, et John Saxon qui revient aussi pour aussi quand même une bonne partie de la fin du film, et que voilà, ça fait toujours plaisir de voir quand on a aimé le premier film, en tout cas autant que moi, ça m'a fait plaisir de retrouver Nancy Thompson et Donald Thompson, du coup. Voilà, donc le 3, il a complètement oublié ce qui s'était passé dans le deuxième. Dans le deuxième film, oui, c'est quasiment une suite directe du premier, hein, ça se passe, ouais, ça se passe quelques années après quand même, mais ce que je veux dire, c'est que ça se passe 6 ans après, du coup. Et du coup, les nouveaux adolescents du quartier, donc Elm Street, ont disparu. Et parmi les survivants, du coup, ils sont internés dans un hôpital psychiatrique. Et ils ont tous un point commun, c'est que dans leur cauchemar, ils voient Freddy Krueger qui fait son retour. Il était mort comment dans le 2? Je me souviens même. Il n'était pas. Putain, j'ai un trou de mémoire sur quoi. Prends dépourvu là. si, c'était dans l'usine là. C'était pas dans l'usine où. Il sort. Non, c'est Jesse qui sort du corps de Freddy. Et justement, dans un moment body horror. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était ça dans le 2, du coup. Voilà. Et finalement, il est pas mort. Comme, comme d'hab. Comme le trope de cette saga. Donc voilà. Et du coup, ce groupe d'adolescents qui est dans l'hôpital psychiatrique Nancy Thompson est devenue une psychologue qui va aller aider ce groupe pour essayer d'anéantir Freddy une dernière fois. C'était normalement le but, hein. Donc voilà. Moi, clairement, je le dis avant mon avis plus complet, mais c'est un film que j'ai énormément apprécié, Ouais. honnêtement, que j'aime beaucoup pour son inventivité, tout ça. Au niveau de la réalisation aussi, je le trouve très très beau. Aussi de le mettre un peu dans un cadre fermé, comme l'était. Enfin, dans le premier, c'était pas. Enfin, c'était Oui, une c'était partie fermé du dans le film sens où qui. Voilà. c'était restreint, quoi. Ouais. Voilà. Et là, on est un peu refermé comme Halloween 2, où on est enfermé dans un hôpital. Oui, il y a une Là, on est parenté dans un entre les deux hôpital. films qui est très Ouais, claire. ouais, Ouais. ouais. Qui est très, très marqué. Enfin, honnêtement, on a l'impression de voir un peu la même chose, mais c'est pas pour. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette parenté. Et justement, le fait de l'avoir fait un peu une sorte de huis clos, quoi, ça le rend encore plus intéressant, justement. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Est-ce que tu l'aimes bien? Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, Ouais. et ça se verra d'ailleurs dans mon top. Ouais. Mais je trouve que il y a des choses extrêmement intéressantes en fait. D'abord, il y a le fait que pour la première fois de la saga, on sort un peu de ce côté Final Girl ou Final Boy pour avoir un groupe très très marqué. C'est-à-dire que voilà, bon, on peut dire que le personnage principal entre guillemets, c'est C'est effectivement Patricia Patricia Arquette, Arquette. hein. Ouais. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est pas Christine. Nancy d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais en fait, très vite, on se rend compte que c'est la dynamique de groupe qui fonctionne et que Patricia n'est que le moyen de faire venir dans les rêves, et ça, c'est aussi une Ouais. particularité du film qui se retrouvera Ouais. ensuite après. Voilà, ses comparses quoi, pour l'aider à combattre Freddy. Et donc, cette dynamique de groupe, je la trouve très intéressante, quelque part parce qu'elle marche pas du tout à la fin du film. Dans le sens où pendant tout le film, on Ouais. se dit c'est cette dynamique de groupe qui fait leur force, c'est ça qu'il fallait sauver. Ouais. Et en fait, on découvre à la fin que cette capacité qu'ils ont tous à, une fois dans les rêves, s'inventer des super pouvoirs, s'inventer des machins, des trucs, à contrôler leurs rêves, en fait, Freddy, ça lui fait rien du tout, cette histoire, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'encore une fois, comme le premier film, et c'est là qu'on voit la parenté très évidente entre les deux et le fait que Wes Craven soit au scénario, je pense, n'y est pas étranger, Oui, il y a clairement. cet aspect vraiment de Freddy qui contrôle encore une fois la création et les mouvements des personnages. Voilà, dans le deuxième c'était évidemment marqué par le fait qu'il voulait le posséder directement corporellement, et là c'est un petit peu différent, et on le voit vraiment plutôt s'amuser, même avec la mise en scène et avec tous ces éléments de super pouvoir, ces éléments d'inventivité. Et encore une fois, c'est un film qui est très très réussi à ce niveau-là. Et il l'est Ouais. aussi au niveau de l'inventivité visuelle, quoi. Moi, je trouve que les plus belles scènes visuelles du film De sont là-dedans. rêve. Du film, de la saga, pardon, sont là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, il y a ce moment où elle est dans la salle de bain, elle pose sa main sur ce qui permet d'ouvrir le robinet, et ce machin lui se transforme soi-même en main et lui attrape la main, et ça fait des lames avec de l'eau. Enfin, voilà, il y a un côté aussi très poétique quasiment, hein, dans ce film-là. C'est très réussi d'un point de vue visuel, et pour le coup je trouve que c'est le plus lynchéen des films de Ah la oui, saga. Là, il y a ouais. vraiment une manière de transformer les objets du quotidien et les obsessions du quotidien, notamment sexuelles, hein. Je pense notamment à ce passage, un des seuls passages en fait vraiment clairement sexuel de la saga, avec l'infirmière. Je trouve qu'il y a un Oui, côté oh punaise, oui. où tous les éléments du quotidien sont pervertis par Freddy. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est un film qui est très réussi. Il n'y a pas tellement de défauts en fait. Encore une fois, voilà, il y a les limites de jeu d'Heather Langenkamp qui se font ressentir, et Patricia Arquette est pas très à l'aise non Ouais. plus. Mais encore une fois, voilà, ça s'est devenu quasiment un code de Freddy, hein. Ça serait très étonnant de voir tout à coup un Freddy où tous les acteurs jouent remarquablement bien. Mais c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement intéressant, qui est très travaillé. Il y a un côté série B, encore une fois, très marqué, hein. Je trouve que c'est un film qui Oui. scénaristiquement est pas très bien ficelé, mais c'est le cas, je trouve, d'aucun des films de la saga, si ce n'est Freddy sort de la nuit, peut-être. Mais je trouve que c'est un film qui est pas très écrit, mais qui a cette espèce de folie inventive qui fait Qui est pas. il a Enfin, vraiment ça. une parenté avec le premier film, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est. Honnêtement, c'est. Quand j'ai vu ce film, après ma semi-déception de Freddy 2, je me suis dit, ah ouais, non, mais quand même, ils ont quand même trouvé un moyen de réinsuffler quelque chose d'intéressant dans cette saga. Et vraiment de en plus d'utiliser les personnages et les enfin tous les événements qui s'étaient passés dans le premier pour en faire quelque chose d'intéressant, la chose vraiment intéressante dans ce film, c'est que on découvre que du coup Patricia Arquette, donc le personnage Kristen Parker, voilà, a la possibilité de ramener des personnes dans ses rêves, et c'est ça qui va leur permettre, enfin c'est pas vraiment ça qui va leur permettre de tuer Freddy, parce que pour tuer Freddy, ça va être, c'est aussi un petit peu une entourloupe scénaristique, parce que bon, dans le premier, on sait qu'il a été tué dans un, on voit, enfin si je me souviens bien, on voit les parents tuer Fred Krueger dans l'entrepôt, qui deviendra un peu la marque de fabrique. Enfin, à chaque fois qu'on voit Freddy dans un cauchemar, la plupart du temps, quand on est dans son monde, ça se passe dans une genre de chaufferie slash comment dire, enfin c'est un entrepôt, voilà, et du coup là les restes de Freddy ont été déposés dans une voiture, dans une casse, donc les autres Freddy, etc. Et dans un coffre de voiture, dans une casse, et du coup ils vont devoir retrouver avec le, c'est un peu une sorte de personnage principal, le docteur Neil Gordon, qui est un peu le psychiatre principal de ce groupe d'adolescents, et du coup lui avec le père de Nancy vont récupérer ses restes et vont les foutre en terre avec de l'eau bénite, et en fait ils ont su tout ça parce que on apprend justement comment Freddy est né. Ouais, absolument. On apprend plus sur et même comment les parents ont tué, etc. On apprend beaucoup sur l'origine de Freddy. Et dans ce film, justement, ce qui sera encore plus exploré par la suite, en bien ou en mal, on verra plus tard. mais en tout cas, du coup, c'est assez intéressant sur ce point-là. C'est qu'on étoffe un peu le personnage de Freddy avant qu'il soit, enfin de Fred Krueger plutôt, avant qu'il soit Freddy Krueger. Et honnêtement, c'est un des points en plus de tout ce qu'il y a au niveau visuel et au niveau huis clos que j'ai trouvé très intéressant. Le fait d'étoffer en plus le personnage de Freddy, d'expliquer que sa mère a été violée par plus de 100 psychopathes dans un asile psychiatrique, et ben ça étoffe quand même pas mal le personnage de Freddy, quoi. Et ça explique aussi un peu sa folie, quoi. Donc voilà, honnêtement, moi comme tu as dit, moi j'aime beaucoup la dynamique de groupe de cet épisode. On s'attache pas mal aux adolescents, et chacun est marqué par ses petits traits de personnalité, ouais, spécifiques. Il y a Joey par exemple qui parle pas, mais qui finalement, honnêtement, même sans parler, il arrive quand même à développer quelque chose, une personnalité. On sait qui c'est juste avec la mise en scène et son jeu d'acteur. Et je trouve ça, c'est assez intéressant. Voilà, il y a et puis le fait que on voit leur relation entre eux et avec le personnel médical aussi. Et là, il y a aussi la question qui était posée, justement, qui était intéressante dans le premier, le monde adulte versus le monde adolescent. Là, oui, c'est aussi quelque chose de marqué dans cet épisode. C'est très marqué, mais, oui, effectivement. Mais c'est pas celui-là que je pense principalement quand on se serait là, mais c'est très marqué, oui, effectivement. Ouais, et c'est très marqué, et c'est encore marqué, enfin encore plus, parce que c'est rajouté par la surcouche que ce sont des médecins. Donc, c'est-à-dire que la méfiance des médecins par rapport au dire d'un patient et des choses comme ça, c'est aussi des questions qui sont aussi évoquées dans Freddy sort de la nuit. Eh bien, dis donc, on n'arrête pas de parler de ce film. Bah oui. Moi, je suis impatient d'en parler. Ouais, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui, justement, est évoqué dans cet épisode et qui est très bien fait, en fait. Voilà. Même si le personnel médical apprécie ses adolescents, il va quand même pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent, et même si c'est pour leur sécurité, quoi. Bon, après, ils le savent pas non plus. Mais, Mmh, par exemple, le moment télévisuel, la tête dans la télé, oui, ça aussi, il y a c'est des très. très belles idées, des Ouais, idées il y a visuelles des aussi, très. hein, oui, clairement. Ouais, puisque je sais plus comment elle s'appelle, cette adolescente, mais elle veut devenir une star. Et justement, elle est tellement absorbée par la télévision Et finit par avoir la tête que dedans, quoi. voilà, elle meurt la tête dedans. Et ce plan où on voit enfin, parce que la télé est accrochée au mur Oui, il est et on très visuel et voit, très dérangeant, quand même. Ouais, absolument. ouais, et on voit les adolescents qui viennent dans cette pièce et qui découvrent le corps comme ça. C'est quand même, enfin, les idées visuelles de ce film sont Ouais, il y a vraiment de l'idée. très bien développées et très bien réalisées en fait. Et c'est très très intéressant en fait. Voilà, moi c'est un de mes films préférés de la saga, honnêtement. Il est, voilà, je vais pas dévoiler mon classement, mais il est très bien placé. À raison, je pense, parce que clairement, même si, comme t'as dit, après c'est un peu inhérent à cette saga, ça reste un peu de la série B cachée. Oui, clairement. Mais honnêtement, dans la série B, il n'y a pas que enfin, je veux dire, on peut faire de la bonne série B qui soit quand même un petit peu réfléchie, un peu intelligente et qui a quelque chose à dire, quoi. Et là, clairement, c'est un exemple probant, je trouve. Donc voilà. Honnêtement, moi, je vous le conseille beaucoup, beaucoup, Oui, ce c'est un film film. très réussi. Voilà. On va passer à des films qui sont un peu plus problématiques maintenant. Enfin, voilà, qui sont un peu moins marquants et un peu plus brouillons, on va dire, mais qui proposent quand même des Qui ont leur choses, sympathie, qui ont leur voilà, qui sympathie. ont leur Ouais. sympathie, on peut pas le cacher. Le quatrième, donc Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master, ou Le Cauchemar de Freddy, en français. Je trouve que les titres en anglais sont quand même plus parlants sur la. Oui, il y a des trucs sur. qui n'ont pas, oui, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, hein. Le cauchemar de Ouais. Freddy, ça n'a pas de sens. Mais Ouais. oui, mais Oui, après, voilà, c'est c'est ça. des jolis titres, c'est bien. Non, oui, c'est poétique, tu vois. D'ailleurs, j'ai lu sur Wikipédia juste avant, sur le premier film, que c'était Claude Chabrol qui avait Ouais, trouvé les visuels. j'avais entendu parler de ça, effectivement. Ouais, Alors, absolument. Oui, c'est pas inintéressant. je sais pas dans quelles circonstances, mais Oui, en tout cas, c'est lui oui. qui a trouvé le titre Les Griffes de la Nuit pour A Nightmare on Elm Street, Oui. ce qui est plutôt poétique et plutôt joli. Voilà. Le quatrième, Le Cauchemar de Freddy ou Dream Master, c'est réalisé par Rennie Harlin. Le scénario est de Brian Helgeland, pardon, Jim Wheat et Ken Wheat, qui doivent être frères ou cousins, ou je sais pas. Il me semblait qu'il y avait un petit rôle de Craven dans le scénario aussi, encore une fois, D'accord. pour ce film-là, Alors. qui n'est pas si évident que ça, parce que l'idée originale de Craven a été rejetée. C'était des voyages dans le temps, dans les rêves, voilà, c'était un peu une idée un peu nanar. Et Moi, ça aurait pu être intéressant. ouais, mais Bon, encore une plus fois, intéressant que ça celui-ci. fait ajouter des rêves et des règles, des trucs, quoi, des règles et des règles en plus, quoi. Ça commence à Ouais, devenir un c'est peu vrai. problématique. Mais effectivement, non, Craven, là, a eu, je crois, un œil sur le scénario, mais c'est pas sa direction qui a été prise. Ah non, non, clairement. Ouais. Sorti aux États-Unis le 19 août 1988 et en France le 4 janvier 1989. Lisa Wilcox qui joue le rôle d'Alice Johnson, Robert Englund toujours. On a un petit problème, comment dire, parce que surtout, moi personnellement, j'ai vu le 3, enfin j'ai vu le 4 quelques jours après le 3, et je me suis dit, il y a un problème, c'est pas vraiment le même personnage, mais finalement si, puisque Patricia Arquette Ouais, mais n'a pas repris son rôle, n'a pas repris effectivement. son Oui, rôle c'est de ça. Kristen Parker. Et donc c'est Tuesday Night qui a pris son rôle. Et du coup ça amène encore plus de confusion que. Et faut le savoir, j'ai vraiment mis 45 minutes à me rendre compte. Mais non, mais moi j'ai mis bien 30 minutes, Ouais, hein, c'est c'est ça, me dire, pas. c'est Voilà. marrant, je vois bien qui c'est, mais elle a pas Mais cette tête-là. pourquoi il parle de ce personnage comme si c'était Voilà, elle? c'est Ah mais ça, en fait c'était c'est elle, ça, c'est d'accord. ça. Non, parce qu'il n'y a Ouais. aucune explication. Hein. Et surtout si. Vous voyez les films un petit peu espacés, enfin, faut se souvenir des noms, quoi. Kristen Parker, c'est pas le nom le plus marquant que vous avez jamais entendu de C'est l'univers. évident, oui, absolument. Clairement, voilà. D'ailleurs, les noms et prénoms dans cette saga, Non, mais pas clairement, très voilà, c'est pas marquants. des personnages. Voilà. Mais comme Vendredi 13 À et tout part ça, Freddy hein, à part Krueger, le méchant, tu te souviens pas des noms, c'est hein. ça, exactement. Y a pas de Ou Laurie Nancy, Strode. peut-être, mais ouais. Ouais, non, enfin, même, ouais, c'est vrai que Nancy, c'est pas Laurie, hein, clairement. Ouais. clairement. Donc voilà, film, honnêtement, là je dois revoir un peu le synopsis parce que j'ai un peu de mal à me souvenir de ce qui se passe. C'est dans la ce suite film. directe du troisième, quoi. C'est la suite directe du troisième. C'est-à-dire Voilà. que voilà, on sait quels sont les pouvoirs de. Quels sont les pouvoirs De Kristen. de Kristen, voilà, c'est ça. Et elle rencontre une de ses amies qui s'appelle Alice et qui elle-même a des pouvoirs assez, qui a des pouvoirs extrêmement extrêmement puissants dans ce qu'elle appelle le pays des merveilles, donc en fait le monde des rêves, quoi, quelque part. Oui, Et voilà, oui. donc voilà, c'est à partir de ce moment-là où Freddy, qui a été tué à la fin du troisième film, va Oui, puis, évidemment, dans ouais. une scène assez réussie, ça c'est joli d'ailleurs, revenir à la vie. La façon dont il revient, ouais, c'est vrai, la Ouais, façon dont la peau se met sur les os, voilà, c'est ça. Bon, etc., c'est sympathique. Et oui, effectivement, voilà, il va essayer de les tuer. En fait, à partir du troisième film, les scénarios, en acceptant encore Freddy sort de la nuit, décidément, on passe notre temps à y revenir, sont pas extrêmement distincts les uns des autres, quoi. Hein. C'est toujours Freddy revient au début, il y a un personnage qui peut le vaincre, et à la fin, c'est elle qui gagne, sauf que peut-être pas, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, Et en fait, ce exactement. quatrième film, c'est du coup, je prends complètement la parole, hein, désolé. Non, mais vas-y, vas-y, Ce vas-y. quatrième film, en fait, il est moins intéressant d'un point de vue artistique que du point de vue de ce qu'il a apporté à la saga, puisque c'est à partir de ce moment-là, dit-on, et ça, j'étais pas là pour le vérifier, mais en 68. Mais c'est à partir En de ce 88, 88, 88, j'ai 88. dit 68, excuse-moi, n'importe quoi, oui, 88. J'étais pas là pour le vérifier, mais il paraît que c'est ce film-là qui a lancé vraiment la vibe. Hein. C'est-à-dire que c'est à partir de ce film-là La mode Freddy. qu'on a eu une mode complètement, voilà, des affiches partout, des déguisements pour gamins, voilà, plein de choses. Et on le verra justement après, parce que juste après ce film, on parlera de la série, donc qui est sortie juste après. Absolument. Donc Donc voilà, donc c'est d'un point de vue commercial que ce film est intéressant, moins que d'un point de vue artistique, où là, il y a un certain nombre de problèmes quand même, parce Ouais. que c'est un film qui scénaristiquement. Et vraiment, ça commence à devenir bête, quoi. Avant, c'était soit réussi, soit, on va dire, elle est sympathique, même si pas très bien écrit. Là, ça commence à devenir vraiment perché, quoi. Hein, avec, voilà, cette histoire de maître des rêves. Ce côté, ils reprennent un peu la mythologie de ce qu'on sait de Freddy, mais d'un autre côté, ils ne la reprennent pas. On sait plus très bien ce que sont les rêves, comment on peut battre Freddy, est-ce qu'il peut venir dans le monde réel, est-ce qu'il peut pas. Pourquoi il ressuscite tout seul sous prétexte qu'un chien a un peu fouillé au-dessus de sa tombe dans le monde des rêves. Enfin, il Oui. y a plein d'éléments qu'il faut intégrer tout de suite, sinon on s'en sort pas, quoi. Dès que tu t'interroges sur la logique du film, tu vas pas t'en sortir. Après, c'est assez sympathique de créer encore une fois une dynamique de groupe et un nouveau Ouais. personnage. Voilà, moi j'avais un petit peu peur qu'ils retiennent pas la leçon du troisième film et qu'ils reprennent complètement le personnage de Kristen pour en faire le nouveau personnage. Or non, on a un nouveau personnage qui arrive, qui est Alice, qui est encore un personnage féminin. Voilà, donc ça c'est Ouais. à la fois bien pour la représentation et à la fois surtout tout à fait classique dans le cinéma horrifique, Oui, où on a encore clairement. une final girl, voilà, qui arrive à battre Freddy. C'est ni très inventif visuellement, ni très inventif du point de vue de la réalisation. C'est un film d'horreur somme toute assez classique. Encore Je qu'il y a trouve. deux trois petites idées, Ouais. sans doute. Ouais. Moi, dans ce film, je retiens une seule chose, c'est-à-dire c'est là où il y a ma phrase préférée de Freddy, avant que quelqu'un meure, parce que ça commence. Enfin, on n'en a pas encore parlé, mais Freddy, avant de tuer quelqu'un, ça a été installé, plus dans le 2 d'ailleurs, dans le 1, c'était encore un peu sérieux, mais là, c'est-à-dire que Freddy dit des choses Il fait de marrantes. bonnes vannes, quoi, on peut le dire. Il fait ouais, ce qu'on appelle en anglais une pun, un jeu de mots. Sur la façon dont il va tuer quelqu'un Oui. avant de le tuer, quoi. Et c'est un peu ça dont on va abuser et surabuser les suites. Et bon, dans celui-ci, il y a quand même ma préférée. Je vous contextualise la chose, c'est Joey, du coup, personnage muet dans le troisième qui a survécu au troisième, du coup, qui est sur un lit à eau. Ah oui, je me Enfin, non. souviens, c'est une scène assez. C'est une Non, scène, l'exécution n'est pas exceptionnelle, mais c'est une belle idée. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Donc, il est sur un lit, normal, et donc il s'endort, bien sûr, et ça devient un lit à eau, donc voilà. Et dedans sort, comme si le lit à eau était infini, en fait, en dessous, sort la fille dont il avait l'affiche dans sa chambre et dont il rêvait. Voilà. Donc. En anglais, enfin, je sais pas comment on dit ça en français, wet dream. Mouillé. Oui, voilà, tout simplement. Non, mais en plus, c'est vrai, ça s'appelle comme ça. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai, c'est moi qui. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un rêve mouillé, clairement. Et donc la fille repart en dessous, on la voit plus, et d'un coup, c'est Freddy qui sort du lit et qui tue du coup Joey. Avant de le tuer, il lui dit How is this for a wet dream? Enfin, voilà, comment tu trouves ce rêve mouillé? Voilà, Et moi, c'est un bon, c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré vient voilà. plus Non, tard, honnêtement, mais ouais. moi, quand je l'ai entendu, elle me paraissait tellement enfin, sortie nulle part. Que ça m'a bien Oui. surpris C'est à partir de ce et moment-là que Freddy devient que drôle aussi, hein. C'est à partir du quatrième où là, il y a ouais vraiment non vraiment drôle un ouais voilà renversement vraiment drôle, quoi. C'est-à-dire que il faisait ouais des vannes voilà ironiques, des machins, des trucs jusqu'ici, mais là, et c'est peut-être aussi un tournant cynique, hein. C'est pour ça que je mets un peu de réserve là-dessus. C'est là qu'il commence vraiment à faire des blagues tout le temps, quoi. Et là, ce match pour les adultes, effectivement, c'est plutôt une bonne réplique. oui voilà et du coup moi honnêtement c'est principalement pour Oui, c'est cet ce que tu aspect-là retiens du film, ce que je comprends, hein. Ce qui, moi, voilà, pareil, c'est c'est ça. pas exactement ce que j'ai retenu non plus. Et d'ailleurs, je pense que Et puis personne n'a retenu c'est. grand-chose, sinon que, effectivement, d'un point de Ouais. vue commercial, bah, c'est celui qui a presque le mieux marché, Ouais. quoi. Et c'est là aussi, on a de la nudité pour la première fois, il me semble, dans Freddy. On n'en avait pas avant. Il me semble pas. Si, troisième film, la scène dont je parlais avec dans la filmerie. Oui. Mais oui, effectivement, Ouais. c'est là que voilà, ça commence Ouais. à prendre un peu les codes des films d'horreur qui tournaient autour, quoi, Oui, avec de et la puis il y nudité, du a, fun. c'est dans celui-ci où au début il y a la douche qui. Non, c'est pas dans celui-là. Elle prend sa douche et l'eau monte, monte, monte. C'est possible, c'est possible, faudrait que je me. Honnêtement, Ouais. ouais, c'est compliqué d'en parler. Même, je pense, après avoir vu les films, c'est compliqué parce que il y a des choses qui se mélangent un peu parce que ça se ressemble pas mal. Ah oui, et dans ce film, il y a aussi. Ah, mais en fait, il y a des. Honnêtement, c'est un magnifique nanar ce film. Clairement. Parce que il y a aussi toute l'époque, fin années 80, du coup, Karate Kid. Du coup, il y a la folie karaté. Et du coup, son frère, le frère de Alice, est fan de karaté. Et du coup, on le voit souvent faire des bruits à la Bruce Lee, un peu, un peu cliché, un peu raciste de temps Clairement, en temps. Hein. clairement. On va pas se le cacher. Et faire des petites phrases, genre, enfin voilà, clairement des choses que vous entendez dans Jackie Chan, la série animée. Qui voilà. qu'on vous recommande, bien sûr. Ah oui, non, mais on vous le commande. Hein, c'est. Non, moi j'étais fan quand j'étais petit. Hein. Mais donc voilà, non, c'est un magnifique nanar en fait. C'est très drôle, je pense qu'à voir entre potes, ça doit être magnifique à regarder. Honnêtement, moi je le considère pas comme le plus mauvais. Parce que il a quand même des bons Oui, moments. c'est un film qui est très sympathique, simplement, ça commence à être un peu Non mais. problématique, quoi. Par Je veux dire, rapport à. ouais. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé avant, on est clairement dans le sous. Mais. Dans le en dessous, quoi. Mais. Enfin, bon, après, moi, je parle de Freddy 2. Je mets le 4 au-dessus du 2 quand même. Ouf, ouais, je sais pas. Mais non, mais moi en vrai non, du tout. Mais Ouais. je comprends parce que c'est un film qui Non, d'un autre non, côté est plus. Et plus. Non, c'est prétentieux de dire accessible, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais c'est un mais. film Non. qui Ouais. est moins marqué. Et qui Oui. donc a moins de chances d'être complètement de déplaire complètement, quoi. Oui, voilà, c'est C'est ça. voilà, c'était sans doute, c'est moi c'est comme Non, ça que je le oui. comprends, mais Et ouais. puis le 2, je le dis maintenant, mais ça se trouve, ça deviendra un de mes préférés parce Mieux quand que, tu vas les revoir, justement, oui. moi, voilà, Et c'est tu ça, n'en quand es je vais qu'à le ton revoir et premier quand je. visionnage du 2, attention, moi je l'ai vu quand même 10 fois. Oui, voilà, j'en suis que. Ouais. Toi, tu l'as vu dix Non, non, c'est fois. pas vrai, pas 10 fois, mais facile, Non. 3 4 fois quand même. Mais. Ouais, Non, pas non, dix mais fois, je dix vois, mais. fois. Non, non. Faut vraiment être, je pense, Ah maso oui. là. Non, non, mais du coup. Ouais, non, il y a des personnages intéressants. Il y a le père alcoolique, du coup, de Alice, qu'on retrouvera dans le 5. Alice, qu'on retrouve aussi dans le 5, il me semble. Et du coup, en fait, on établit un peu la mythologie du 4, 5, 6. Ouais. C'est-à-dire que c'est des films qui vont se. Avec le personnage d'Alice, du coup, qui n'a plus rien à voir avec Nancy Thompson, puisque Kristen avait connu Nancy. Là, Alice n'a plus Aucun aucun lien, lien ouais. avec Nancy, et du coup on passe à quelque chose de plus, je vais pas dire décomplexé, mais honnêtement, là, c'est du Freddy vraiment fun, rigolo, et plus très très... Enfin, qui fait plus très peur, à moins Non, ça que veut vous même soyez plus faire du vraiment la tout, pire hein. des... Ouais, je suis d'accord. Non, non, non. Voilà, et du coup ça devient un peu moins intéressant au niveau scénaristique, mais ça reste des films qui sont nanars, enfin, qui sont de bons nanars. Moi je trouve que c'est des bons nanars qui se regardent plutôt agréablement et qui sont pas si mal faits si on les regarde dans ce contexte-là, quoi. Voilà. Je pense que t'as rien à rajouter Non, je te le sur le 4. confirme. Ah oui, attends, j'étais en train de le lire. Comment il était mort dans celui-ci? Parce que sinon, du coup, Alice libère les âmes torturées que Freddy. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les âmes torturées que Freddy a sur la peau, qu'on voit pour la première fois, je Oui, crois. Ou. c'est ce qui est très, Oui, j'allais dire voilà. joli, c'est pas le mot, mais ce qui est très, c'est inventif, voilà, il y a pas d'idée, quoi, on peut pas dire ça, hein, mais Ouais, c'est vrai que c'est. Non, non, mais c'est c'est un clair. film qui a pas l'air très travaillé, en fait, c'est surtout ça mon problème. Donc, Freddy implose. Littéralement, ses vêtements tombent sur le sol et Alice lance son gant. Le film se termine sur Dan et Alice près d'une fontaine. Ah oui, c'est ce moment où on voit Freddy qui apparaît Voilà, bon, comme d'hab, quoi, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a un petit dans le twist, reflet ouais. de l'eau. Là, clairement, c'est vraiment, on n'a plus On n'a plus d'idée. d'idée du coup, ouais, Qu'est-ce qu'on fait? juste il apparaît dans le décor. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Hein. Donc voilà. On a fini avec ce quatrième et on va faire un petit détour sur quelque chose que j'ai apprécié regarder, Ah bah, honnêtement. très bien. Non. Non, non, je dis ça très Ah oui, ironiquement. ok. Non, mais je juge pas. Donc la série Freddy, le cauchemar de vos nuits. Ou alors Freddy's Nightmare, Cauchemar de vos A nuits. Nightmare on Elm Street, The Series. Ça fait beaucoup Cauchemar. de mots. Mais du coup, série qui a été diffusée entre le 9 octobre 1988 et le 11 mars 1990, il y a eu 2 saisons, 44 épisodes, d'une durée de 48 minutes chacun. Le bonheur intégral, honnêtement. Il n'y a pas. Enfin, j'ai essayé de trouver sur quelle chaîne ça a été passé aux États-Unis, etc. C'est assez flou parce que c'est genre des petites chaînes. En fait, c'est plus des trucs qui ont été en syndication. C'est-à-dire que ça passe un peu sur n'importe quelle chaîne. Ils achètent juste les droits pour diffuser ça, mais ça reste quand même une série du coup Warner Bros. Domestic Television, et qui a passé du coup les deux premières saisons, enfin les 2 seules saisons. Et d'ailleurs, en fait, moi j'étais quand j'ai découvert cette série, parce que j'avais je savais que ça existait, mais j'avais jamais vraiment cherché. Je me suis dit, tiens, mais c'est assez unique comme proposition, en fait, de faire une série sur un personnage de slasher. Et finalement, j'ai découvert qu'il y avait une série Vendredi 13 Oui, que, en fait, non, honnêtement, il y en a je... partout. Et en fait, il y en a partout les séries, en fait, on ne sait pas, mais Voilà, c'est il y ça. en a une Et... sur Scream, la récente, il y en a à peu près Oui, pour toutes les aussi. sagas. Ouais. Aussi, ouais. Non, non, mais je me demandais, est-ce que c'était la première qui avait proposé ce genre de choses? Et finalement, il y avait une série Vendredi 13, donc... Voilà. Qui, à mon avis, est aussi d'un goût sublime. Vendredi 13, le problème, c'est que déjà, les films sont pas très bons, quoi. C'est ça le souci. Ouais. Donc, là, c'est. Donc, série où Robert Englund, du coup, reprend son rôle de Freddy, mais c'est un peu un coquinou, le Robert Englund. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que j'ai pas cherché vraiment pourquoi ça se fait, mais honnêtement, enfin, il apparaît pas énormément. C'est le moins Alors qu'on moi, puisse j'ai vu dire. l'épisode. Oui, j'ai vu l'épisode 1 et 2, donc j'ai pu voir un peu la différence, parce que toi, t'as vu que le 1, et le 1, il est tellement il est magique. Je propose qu'on en parle. Donc c'est réalisé, je mets des grosses guillemets. Normalement, c'est réalisé par Tobe Hooper. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais? C'est Tobe Hooper qui fait un... Donc Tobe Hooper, si vous connaissez C'est pas, juste Massacre à la réalisateur de... tronçonneuse, c'est Voilà. voilà. Voilà, donc c'est clairement un, si ce n'est pas le meilleur film d'horreur qui ait jamais été réalisé. Et du coup, il fait le premier épisode, No More Mr. Nice Guy, qui va raconter de façon détaillée la mort, enfin, le procès de Fred Krueger, et du coup l'exécution des parents en sachant que Fred Krueger avait été brûlé vif. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, il a été innocenté oui. Par le tribunal. D'ailleurs, pour vice de procédure. Voilà. Pour... non, c'est vrai, pour vice de procédure. Non, oui, ouais. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si ça vient de la série ou alors si c'était déjà évoqué dans le premier. Alors, on sait qu'il y a eu je crois que c'est dit, hein, qu'il y a eu un procès ouais. et qu'il en a sorti. On sait pas exactement oui. pourquoi. Là, on voit que c'est pour vice de procédure. Bon, admettons, hein, s'ils ont absolument besoin de préciser ça. Ils ont dû trouver une. Oui, parce que là, clairement, je voyais très mal comment ce mec-là pouvait être innocenté. Comment le juge pouvait dire, ah bah en fait, non, tu peux sortir, t'inquiète, sortir ça arrive à tout le monde. Ah, mais déjà, cette scène au tribunal, elle est magnifique. On a Freddy, Fred Krueger, qui est dans une genre de boîte, scellée, en glace, quoi. Où il n'y a pas de lumière, donc on voit juste. D'ailleurs, il n'y a pas de lumière nulle part. Et moi, je me demandais, tu sais, je me suis demandé pendant la scène si c'était lui, hein, si c'était Krueger, si c'était un clone de pain. Apparemment, oui, mais je me suis demandé. Ah non, mais c'est pas possible. Ouais. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Enfin, je veux dire, si t'as Englund, pourquoi tu ne montres jamais son visage? C'est un truc. Ah, mais on me demande pas, hein, c'est pas moi qui l'a fait. Oui, non, mais je sais, mais, mais quelle idée de merde alors. Je veux dire, t'as Englund qui a fait tout le personnage, qui a tout, hein, qui a les gimmicks, qui a tout. Et on va le dire tout de suite, dans ce premier épisode, on voit jamais son visage. Au tout début, à la toute fin. On voit vraiment Robert Englund qui interprète Freddy Krueger. Mais c'est dans une genre de séquence dans son usine là qu'il aime beaucoup où en fait on n'a pas dit mais c'est une série d'anthologie, c'est un peu comme la quatrième dimension où Alfred Hitchcock présente c'est une série où chaque épisode, enfin j'ai pas des si enfin dans American Horror Story c'est différent, c'est chaque épisode est une histoire à part entière avec un début, milieu, fin et voilà. Et du coup au début de l'épisode on voit Freddy, donc Robert Englund, on voit vraiment son visage, il y a pas de souci, et il explique comment tout a commencé, donc ça dure 30 secondes même pas. Et à la toute fin, on voit de nouveau, il dit « Ah bah voilà, vous avez vu comment ça s'est passé », et puis il part en riant. Ouais, bah moi je me suis presque senti concerné par le rire, hein. C'est-à-dire que je me suis dit « C'est de moi qui se moque ?» Ouais, non mais, enfin, cette série, je sais pas comment elle a pu tenir deux saisons, honnêtement. Je comprends pas pourquoi, comment les fans ont pu... ils ont dû gueuler, enfin c'est pas possible de regarder... Une série qui parle de Freddy où tu ne le vois même pas. Mmh. 45 secondes pour le premier épisode et une minute pour le deuxième. Clairement. T'es monté. Le deuxième. Ouais. ça fait un d'échec, je te dis pas quoi. Non, mais voilà. Dans ce premier épisode, quand il est dans la vraie vie, où c'est pas les moments où Freddy raconte regardez ce qui s'est passé ou alors vous avez vu ce qui s'est passé. Son visage est toujours pas éclairé, jamais éclairé. C'est-à-dire que il y a pas de lumière, on voit pas son visage, on voit juste le sweater ou des choses comme ça. On le voit de dos. Enfin, toutes les techniques pour, cheap, pour dire on n'a pas pu avoir l'acteur, alors du coup on a pris une doublure. Sauf que si, hein, je suis désolé de te le redire, mais c'est Robert Englund. Non mais alors c'est vraiment d'une idiotie sans nom. Honnêtement, ouais voilà. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de... Du coup, t'as vu que le premier épisode. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier épisode? Alors oui, j'avoue que je suis pas allé plus loin. Hein. C'est pas très professionnel de ma part. En fait, au départ, je me suis dit, allez, je vais regarder au moins 5-6 pour savoir ce que c'est, quoi. Et en fait, vraiment, quand j'ai vu le premier... Alors, l'idée est bonne, hein. Bon, moi, je suis pas fan de la surexplication, mais là, voilà, l'idée de montrer un peu comment s'est passé le procès de Freddy, machin, ça ferait un bon préquel. Moi, j'étais intéressé. Hein. Ça ferait un bon préquel, très clairement. Le fait qu'Englund joue Freddy, ça m'intéresse aussi. Mais alors, le problème, c'est la mollesse du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement dépourvu d'humour. Bon, déjà, on est à la télévision américaine dans les années 80. Les séries, c'est pas fun. On passe des explosions. Enfin, je veux dire, c'est très lent. Souvent, ouais, mais là, ça se voit, quoi. Le problème, c'est que... Il y a bien ce côté métatextuel avec Freddy qui présente l'histoire, ce genre de choses, mais ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, la réalisation est pas du tout dynamique. ça raconte pas grand chose, c'est pas très bien joué. J'ai pas trouvé un grand intérêt à ça, quoi. C'est pas le pire que la saga a pu proposer. Pas loin, mais c'est pas le pire. Mais Honnêtement. disons que c'est quand même un film extrêmement. Un épisode extrêmement ennuyeux. Ouais. Et voilà, ça m'a pas donné envie de voir le reste, alors que tout y est, quoi. Le côté série anthologie, le côté Freddy qui apparaît un petit peu. Moi, c'est pas tant ça qui me gêne, parce que moi, le côté Freddy qui ne fait qu'influencer les événements et qui se met pas dedans, ça m'intéresse. Mais là, je vois très très mal comment ça peut fonctionner dans ces conditions. Alors, c'est une série qui est un petit peu connue parce que elle a notamment eu quelques acteurs connus qui jouaient dedans. Il y a Brad Pitt, par exemple. Brad Pitt, Mais disons que c'est cher le ticket, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est quand même très ennuyeux. Moi, quand j'ai vu que ça faisait 48 minutes, je me disais, oh là là. Et ouais, non, mais effectivement, bah, c'est. fou là là, hein, je me suis. Franchement, c'est interminable et c'est pas très Ouais. intéressant. Vraiment, c'est pas très intéressant. Donc, c'est dommage parce que Honnêtement, l'idée ouais, était pas mauvaise, hein, mais il n'y a pas grand-chose c'est qui vrai en que. ressort. C'est très très mal exécuté en C'est fait. ça. Et aussi À le. cause de restrictions budgétaires, hein, faut savoir, mais Ah bon, oui, non, mais ouais. ça se sent, mais dès les premières Ouais, c'est secondes, qu'il ça. n'y a pas de budget pour ce. Ben, en fait, je pense que clairement, ils montrent pas Freddy souvent, pas, parce que le maquillage, ça coûte trop cher. Clairement. Non, c'est Parce possible. que. C'est pas Alors, impossible, non, effectivement, mais. ouais. Enfin, honnêtement, et on n'en a pas parlé encore du maquillage qui est très très iconique, mais on verra que au fur et à mesure, c'est un peu comme le masque dans Halloween Ouais, ça se de désagrège. Michael Myers, c'est un peu, tu vois, les coupes budgétaires, hein, ça souvent. Mais alors, moi, je vais parler du coup du deuxième épisode aussi, qui en fait. Il y a l'épisode 2 et 3. Il n'y a pas le premier épisode dans le coffret Blu-ray Freddy qui est sorti chez nous et partout autour du monde. Du coup, sur le DVD bonus, il y a deux épisodes, l'épisode 2 et l'épisode 3. Il n'y a pas l'épisode 1. Je sais pas, peut-être des problèmes de droit, peut-être, enfin, je sais pas. Ou peut-être parce qu'ils ont vu qu'il était vraiment très très chiant. Mais après, bon, le 2 n'est pas mieux, clairement. Sachez-le, Et faut le savoir. ouais, sachez-le. En fait, le premier est assez unique, c'est-à-dire qu'il raconte une seule histoire. Alors que le deuxième est toute la suite, d'après ce que j'ai lu, de la série, jusqu'à la fin de la deuxième saison. C'est deux histoires dans un épisode de 48 minutes, qui sont liées d'une certaine manière, un peu. Enfin, là, ça va encore parce que la première partie raconte l'histoire d'un adolescent qui travaille dans un fast-food la nuit. Et jusqu'au milieu, on voit ces événements à lui. Et après, quand il se fait tuer, il sera tué. Au milieu de l'épisode, c'est sa petite amie qui allait lui rendre visite et qui est à l'hôpital, qui prend la relève du coup de l'épisode. Et du coup, c'est son histoire à elle. Qu'on suit jusqu'à la fin. Alors, honnêtement, le concept est assez intéressant, mais c'est tellement mal exécuté, il y a tellement des coupes budgétaires, et les acteurs, mais. Honnêtement, je sais pas comment ils ont pu les engager. Parce que. Ou alors, enfin, ils ont été dirigés, mais comme des pieds. Parce que c'est absolument atroce. Moi, honnêtement, je vous le conseille juste pour voir comment faire un mauvais épisode de série ou faire de la mauvaise fiction, tout simplement. Parce que c'est. Alors, on a 48 minutes, on a deux histoires à raconter, et c'est chiant. C'est chiant, on s'ennuie. On passe trois fois. En fait, ils répètent souvent trois fois la même chose. Il y a des séquences de rêve qui se répètent et qui changent un tout petit peu. Et pourtant, il y a des idées intéressantes, justement, avec l'écriture extra-diégétique dont tu parlais, de Freddy. Parce que le seul moment intéressant de ce deuxième épisode, c'est. On est dans le rêve de ce gamin qui travaille de nuit dans un fast-food, et il rêve qu'il est retourné chez lui, enfin dans son appartement, qui est mais éclairé avec le cul. Hein. Non, mais franchement, honnêtement, j'ai jamais vu, mais je croyais qu'ils avaient vraiment éteint toutes les lumières et qu'ils avaient filmé comme ça. Ou alors ils n'avaient pas le budget pour de la lumière, mais je sais pas, même avec des lampes de poche, ça aurait été un peu éclairé, quoi. Là, c'est pas éclairé. Donc il est dans l'appartement, dans la cuisine, il voit sa mère et du coup il se retrouve un peu dans un épisode de sitcom un peu malsain, c'est-à-dire que la mère dit quelque chose et t'as un public qui rit, alors qu'il n'y avait pas un public genre boîte à rire de sitcom des années 80-90, qui honnêtement, cette idée, moi, ça m'intéresse trop parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Cette idée très précisément de détourner les codes d'une sitcom pour en faire quelque chose d'horrifique. Et ça fonctionne un peu, mais en fait, ils exploitent tellement le truc que ben, ils détruisent tout l'intérêt de la chose au bout de 5 minutes, quoi. Et c'est dommage parce que, genre, t'as du public qui fait oh, et des choses comme ça à des trucs complètement horribles. Et honnêtement, je vous conseille vraiment pour rigoler cet épisode parce qu'il y a des choses qui sont marrantes. Mais à part ça, surtout la première partie en fait. La deuxième est pas intéressante. On est dans un hôpital, il y a un médecin fou. Enfin, la copine du coup du mec pense dans ses rêves que c'est un médecin fou. On sait jamais quand est-ce qu'on est sorti d'un rêve ou quand est-ce qu'on est dans un rêve. On a l'impression que tout est un rêve en fait depuis le début. Et c'est brouillon, c'est mal écrit, c'est mal réalisé. Honnêtement, c'est les décors. Je crois que j'ai jamais vu ça. À moins que c'était. Enfin, je sais pas si c'était vraiment pour se moquer de. Ou alors ils avaient vraiment pas de budget des séries de l'époque. Mais honnêtement, là, c'est minimaliste à un point, on n'a jamais vu ça, quoi. Clairement, pour faire une chambre d'hôpital, il y a deux murs, il y a un lit, il y a une table à côté du lit et c'est tout. Oui, il n'y a pas beaucoup de Voilà. choses à voir, quoi. Ouais. Non, non, mais il n'y a rien à voir, c'est mal éclairé, enfin, c'est nul. Honnêtement, c'est assez nul, mais ça reste marrant dans un côté nanardesque qui peut, si ça vous intéresse, honnêtement, moi, je vous conseille pour au moins voir ce que c'est. Si vous avez le coffret Blu-ray, regardez le deuxième épisode, vous saurez tout de suite. Et puis avancez les moments chiants parce qu'il y en a pas mal. Mais honnêtement, ça peut être intéressant. Après, le fait que Freddy ne n'apparaisse pas du tout, quasiment pas dans sa série, ça m'a un peu dérangé au début. Après, je me dis que bien fait, ça aurait pu être intéressant. Là, c'est pas bien fait, donc c'est pas intéressant. Voilà, bon, on en a assez parlé de cette série. Clairement. Clairement. Beaucoup plus que ce qui en était. Ce qui devait en être, mais bon. Passons du coup au cinéma avec un peu plus de budget et à des choses un peu plus Et de intéressantes. qualité. Oui, honnêtement, oui. Enfin, moi, j'aime bien ce petit film, il Oui. est sympa. Donc, l'enfant du. Enfin, Freddy 5, l'enfant du cauchemar ou A Nightmare on Elm Street 5, The Dreamchild, pour une fois que le titre correspond, enfin, à peu près. Dream, c'est pas cauchemar, mais c'est pas grave. Donc, s'il fait suite directe au quatrième, réalisé par Stephen Hopkins, pardon, scénarisé par Leslie Boehm et sorti aux États-Unis le 11 août 1989. Donc c'est le dernier Freddy des années 80. Et bon, même si celui qui sort après, le 6, on a encore l'impression qu'on est dans les années 80. C'est quand même important. En France, il sort le 5 août 1990. Au niveau de la distribution, on a Robert Englund, toujours Freddy Krueger, Lisa Wilcox qui reprend son rôle de Alice Johnson, Kelly Jo Minter, Erica Anderson, voilà, Danny Hassel, Joe Sealy, voilà, pour des personnages qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, honnêtement, mais il y a des choses, honnêtement, dans ce film, il y a des choses, je me suis dit, ils ont osé. Ils ont osé, et ils sont allés jusqu'au bout. Même si c'est complètement con, ça, c'est quand même, il y a quand même des choses marrantes. Toi, enfin, du coup, dans le synopsis rapidement, Freddy Krueger revient parmi les morts comme d'habitude et recommence à tuer. Il prévoit du coup de se réincarner dans le bébé qu'attend Alice Johnson, qui du coup était le fils d'elle et mince, ben du mec qui est mort dans le quatrième, hein, qui était son mec, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ah non, non, attends, attends, non, non, non, non, je me trompe. Dans ce film, du coup, Alice commence à sortir avec Dan, qui, du coup, puisqu'ils n'ont plus aucun signe de Freddy Krueger, et d'ailleurs, l'introduction, c'est pas celle où ils sont en train de faire l'amour, enfin de baiser, clairement. Oui, clairement, c'est le générique, c'est... le générique est très très sympa. Voilà. Voilà, c'est ça. Et oui, voilà, c'est dans cet épisode où on a l'événement de la douche, du coup, au début, où, où elle se retrouve, du coup, après dans l'asile. Oui, c'est ce film-là, absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle voit du coup la nonne donc qui est Amanda Krueger qui est la mère de Freddy et là on va en savoir encore un peu plus sur les origines de Freddy, les origines de sa mère, etc. Voilà. On a toujours une bande de joyeux lurons qui entoure Alice. Toujours des nouveaux personnages, tu sais, qui apparaissent au hasard. Ouais, c'est les mêmes que le film d'avant, mais ils ont juste pas le même nom. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. On a Greta qui est une mannequin, Marc qui est clairement un cliché des années 80 du geek, tu sais, du nerd geek. Non, mais tu vois, il est encore un peu cool. C'est pas non plus le nerd. Qui fait de l'informatique, tu vois, c'est le geek qui fait des comics, qui est un peu artiste, quoi. Donc c'est un peu un cliché un peu différent, et du coup, j'aime bien, sur Wikipédia, il y a marqué Yvonne, une bonne nageuse, ouais, c'est tout ça, ce qu'on a retenu. C'est tout ce, qu'elle, c'est tout ce qu'on c'est a retenu. Quoi, ouais. Okay. Ça fait Yvonne, Donc voilà, non mais... Ah ouais, mais Yvonne en plus elle est insupportable parce qu'elle croit dur comme fer qu'ils ont pas raison. Enfin c'est un peu c'est un peu cliché sur ce point-là. Bref, du coup toi t'en as pensé quoi de ce film si t'arrives à t'en souvenir? Je m'en souviens très bien et je l'aime beaucoup moi celui-là parce que je l'aime beaucoup même. D'accord. J'ai complètement redécouvert celui-là en fait parce que j'en avais aucun souvenir et je trouve que le côté très sombre et finalement assez dépourvu d'humour, là, pour le coup, fonctionne bien. Dans le sens où, bon, Freddy fait 2-3 vannes comme d'habitude, il y a beaucoup, beaucoup d'idées visuelles, et je pense notamment à une très belle scène du film avec dans un monde de dessins animés, de comics, pardon, où voilà, le type se transforme en papier et se fait tuer. Je trouve que c'est un film qui a des idées, qui a vraiment une colonne vertébrale artistique très, très prononcée, et qui, par ailleurs... voilà, cet aspect sérieux me séduit, moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans le cynisme, on n'est pas tellement dans la moquerie. Et il y a quelque chose de très dramatique dans le film qui fonctionne bien. Il y a toujours les mêmes problèmes. J'aime pas répéter ce que je dis à chaque fois, mais je le répète jeu d'acteur, de scénario qui se tient plus ou moins. Mais là, il y a quand même quelque chose de mythologique aussi avec, voilà, on montre bien ce qui est arrivé à Freddy, et son obsession aussi pour l'enfance. Qui jusqu'ici était qu'un espèce de gimmick qui expliquait le fait qu'il existe tout simplement et le fait qu'il ait été brûlé. Là, on voit que ça va un peu plus loin puisqu'il essaie de faire en sorte d'être aimé par l'enfant d'Alice en le nourrissant des âmes des victimes des films précédents. Il y a de l'idée quoi. C'est un film qui est pas complètement qui est loin d'être complètement idiot. C'est un film qui est très bien fait. Et je pense que c'est même le dernier avant un bout de temps. Où il y a cette intelligence visuelle presque au premier degré, quoi, parce que après ça va être soit raté, soit complètement travaillé autrement. Là, je trouve que c'est encore un film d'horreur finalement très classique, mais qui a le mérite d'être. Il y a aussi l'aspect très gothique. Oui, absolument. Il y a le filtre bleu permanent et tout ça. Je trouve qu'il y a, c'est un film qui a vraiment des idées artistiques, quoi. Bon, c'est pas du Rob Zombie, mais je trouve que c'est pas du Lynch, mais je trouve que c'est. C'est un film qui se tient vraiment très bien quoi, dans la saga, celui-là. C'est vrai. C'est vrai que, honnêtement, par rapport aux 4, on est quand même un tout petit peu au-dessus. Après, pour moi, ouais, y a toujours des problèmes de scénario. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Un peu, même s'il y a cet aspect, justement, Freddy qui essaye de convaincre l'enfant de le rejoindre. Et d'ailleurs, de le voir un peu se plier. Enfin, je veux dire, c'est la première fois où on voit Freddy un peu affaibli par quelqu'un. C'est-à-dire que il essaye vraiment que l'enfant se confie à lui, ou, enfin, soit vraiment de son côté. Et du coup, pour ça, il est prêt à beaucoup de choses. Et non, c'est assez intéressant. Après, moi, les personnages me sortent. Enfin, Yvonne me sort un peu par les yeux. Parce qu'elle est toujours. Enfin, elle est. Bon, honnêtement, moi, si j'étais dans la situation qui présente dans le film, si je me vois de façon réelle devant, je serais un peu comme Yvonne, c'est-à-dire je serais très très sceptique. Mais là, c'est sceptique à un point où c'est vraiment. D'une débilité profonde, c'est-à-dire que clairement elle voit les impacts que ses rêves ont sur les personnes qui l'entourent, et pourtant elle est toujours à dire mais non, mais c'est dans ta tête, qu'est-ce que tu racontes, voilà. Donc voilà, mais à part ça, honnêtement, c'est plutôt intéressant. C'est visuellement aussi qui c'est moi, ouais, comme tu as dit, hein, moi, la scène en comics, moi je m'y attendais pas du tout, et c'est vraiment quelque chose de, je vais pas dire novateur, hein, mais c'est quelque chose d'intéressant, et on s'y attendait pas, quoi. Alors que au bout du cinquième, on peut se dire bon bah on a un peu vu, on a un peu fait le tour du personnage, quoi, clairement, et des idées qu'on peut avoir avec lui. Mais là, bon, il y a le moment très très nanardesque. Super Freddy, où Freddy se transforme en une sorte de super-héros. Ouais, mais c'est rigolo, ça, pareil. C'est rigolo, Ouais. c'est pas, voilà, c'est nanardesque rigolo. C'est ouais, et voilà, non, c'est un film qui a un charme. On peut pas lui enlever ça, clairement. C'est pas, comment dire. Après, ouais, non, moi je. Ah, et c'est le, il me semble que c'est celui-ci où. On voit Robert Englund sans le maquillage. Oui, absolument. Ouais. Oui, absolument. Enfin, il l'avait déjà fait dans le 2, il me semble. Mais enfin, c'est ce que je lis. Mais c'est un des seuls moments où on le voit sans maquillage. Donc voilà. Ouais, j'ai pas énormément de choses à rajouter sur ce film, en fait. Mais faudrait que je le revoie, parce qu'il me paraît. Enfin, Oui, comme moi je l'aime beaucoup, hein. j'ai vu le Il est 4 et très le bien 5 fait. un peu à la suite, et du coup, il se mélange un peu dans mon esprit. Ouais. Mais il a des idées visuelles que n'a pas le 4, et qu'il cherche quelque chose un peu plus profond que le 4, qui est plus clairement un nanar pour rigoler sur la saga Freddy, quoi. Voilà. Ben du coup, je propose qu'on passe au sixième. Au sixième. Ouais, alors là, c'est un autre problème encore, le sixième. Alors, Mais Freddy's Dead, The Final Nightmare en anglais, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Donc, on annonce déjà la sauce dès le titre. C'est la fin de Freddy. C'est vraiment là où on va enterrer Freddy. On va plus en entendre parler. plus Ça, c'est jamais, vraiment. hein, On va plus jamais du jamais. tout. Non, Non, non, non, non, mais je non. vois pas Eh, de quoi oui, tu parles, donc, hein. y a pas trois films juste après. Non. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est là où était censé se finir la saga Freddy. Réalisé par Rachel Talalay, pardon. Scénarisé par Michael De Luca, d'après une histoire de Rachel Talalay. On est sorti aux États-Unis le 5 septembre 1991, et en France le 8 janvier 1992. Robert Englund toujours, Lisa Zane dans le rôle de Maggie Burrow, ou non, j'allais dire un truc, bon, en même temps, enfin si vous avez vu le film, donc Catherine Kruger slash Catherine Kruger, donc ça c'est le gros reveal. C'est l'énorme what the fuck complet. Et après, des noms dont vous entendrez plus jamais parler, Sean Greenblatt, Leslie Dean, Ricky Dean Logan, Brigitte Mayer, enfin voilà, du coup, le sixième film de la saga Freddy. Alors c'est un peu compliqué enfin, le synopsis, du coup, c'est ça commence très très fort, hein. Si je me souviens bien, on est encore à Elm Street, enfin à Springwood plus justement, puisque on n'a pas encore dit Springwood, ce qui me paraît assez fou quand même. Mais Springwood, c'est la ville du coup de où se trouve Elm Street, la rue Elm, du coup, comment dire, Freddy Krueger a tué tous les jeunes de la ville, apparemment. Enfin, c'est dans le film, du coup. Il a réussi à tuer tous les jeunes. Alice a déménagé loin de Springwood. Donc, plus personne ne peut arrêter Freddy. John Doe, du coup, c'est le dernier adolescent de Springwood qui... Alors, déjà, bon... Enfin, on est dans un monde un peu genre post-apocalyptique. Non, mais ça, c'est étonnant, hein, pour le coup, l'univers du film. Hein. Ouais, c'est très, très étonnant. Pas très bien où ça se passe. Hein. Ouais, on sait... Honnêtement, on arrive plusieurs... Enfin, ouais, on sait pas vraiment combien de temps après, mais... voilà, c'est y a plus qu'un seul adolescent à Springwood et Freddy essaie de le tuer. Et du coup, ce dernier, en essayant d'échapper de Springwood, a un accident de la route. De la route, il me semble, ouais. Et il se rappelle plus de rien. D'ailleurs, c'est marqué visuellement d'une manière un peu cheap, c'est-à-dire que on est dans un monde un peu de la nuit, un peu filtre bleuté sur Springwood. Et dès qu'il sort de ce monde, on est dans le monde réel, c'est-à-dire c'est la lumière naturelle et on est un peu dans une ambiance canyon, tout ça. Voilà, et il va aller dans une autre ville, il va être récupéré par un hôpital psychiatrique encore, et du coup dans cet hôpital psychiatrique il y a des jeunes qui sont ils ont des cauchemars. Attends, j'arrive plus à me souvenir s'ils ont des cauchemars ou pas. si ils ont des cauchemars, parce qu'il y a le psychiatre qui justement est il dévoile un peu des choses, genre Freddy est une ancienne créature, etc. Qui sera bizarrement, qui se retrouvera bizarrement dans le prochain Freddy, ancienne créature mythique, etc. Donc Freddy sort de la nuit, mais d'une manière un peu plus intelligente, je trouve. Là, c'est vraiment Freddy est une incarnation, d'une entité plus grande que ce qu'il est actuellement. Et qui a sévi pendant des années et des années, des millénaires, etc. John se retrouve dans cet hôpital. Il fait la connaissance de trois adolescents et du coup ils vont aller pour je ne sais plus quelle raison à Springwood et ils vont se retrouver enfermés là-bas et ils vont se faire tuer un à un et voilà. Clairement, c'est un peu le synopsis, c'est un peu difficile à résumer parce qu'il y a... Enfin, honnêtement, ce film, j'ai un peu essayé de l'effacer de ma tête. Il est pas... moi, je le trouve pas mauvais, vraiment. Enfin, il a clairement ses problèmes, mais je l'ai trouvé un peu marrant sur certains points et tellement idiot que ça en devient marrant, justement. Toi, t'en as pensé quoi, du coup, Bon, alors, pour ceux qui ont vu l'émission Movies Nerd sur Halloween, pour moi, c'est le Halloween 6 de la saga. Quoi. Ah, c'est... En plus, c'est marrant, hein. C'est vraiment l'épisode 6, c'est vraiment l'épisode maudit. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y a une mythologie de Freddy assez bien installée, et là, on installe de nouveaux personnages, Catherine Kruger, des machins, des trucs... Mais honnêtement, c'est clairement pas aussi mauvais qu'Halloween 6. Je trouve que c'est quand même un film qui est très mal écrit, qui est mal structuré, on comprend pas très bien ce qui se passe, où ça se passe, comment ça se passe, machin. Je trouve que c'est un film qui confond complexité d'intrigue et temporalité avec confusion, quoi. C'est-à-dire que c'est... J'ai dû quand même, moi, le revoir, alors que je l'avais vu il y a pas longtemps, parce que je me disais, mais dans quel ordre ça se passe, machin, et même quand tu lis les synopsis qui sont sur Internet, c'est pas super clair, hein. Il est plus long que tous les synopsis de la série. Il est plus long que... Ouais, absolument. Et c'est pas... On peut pas dire que ce soit complètement inintéressant, bien sûr, c'est toujours pareil avec Freddy, il y a toujours des moments sympathiques. Moi, j'aime bien le début, hein, avec Freddy qui arrive sur un balai, genre Magicien d'Oz, qui fait même une référence au Magicien d'Oz. Dans celui-ci, c'est un peu les moments les plus what the fuck. Voilà, c'est ça. Et alors, à la fin, moi, j'ai quand même le problème avec les démons qui sortent de Freddy parce qu'ils lui ont donné un pouvoir, mais finalement, ils lui retirent, et puis, je trouve que c'est... Honnêtement, il se complique la vie, quoi. C'est un film qui se complique beaucoup la vie. Il y a des choses assez intéressantes du point de vue de l'écriture pour une fois des personnages du groupe, notamment de celle qui est traumatisée par les agressions sexuelles qu'elle a subies, notamment il me semble de son Ouais. père. Et ça c'est pas complètement inintéressant. Voilà, on peut pas dire que ce soit un film complètement raté parce qu'il y a une construction de personnages et c'est pas seulement des personnages interchangeables. Et ça c'est assez Ouais. rare quand même dans la saga. Mais le problème, c'est que pour moi, le Freddy, il est raté, quoi. Non Et mais que ce soit aussi ouais. bien dans l'aspect horrifique, c'est-à-dire t'as pas peur une seconde, que dans le Ouais. maquillage, c'est quand même très laid, quoi. C'est le maquillage un peu kids friendly, quoi. Il est plus du tout Ouais. effrayant, Freddy, quoi. Et on a l'impression quasiment qu'il est déguisé en clown, quoi. Je trouve Y a que plus aucune c'est, aspérité en il y a fait. plus d'aspérité, il a C'est. juste des joues un peu rouges, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que Ouais, voilà, c'est ça. C'est. c'est assez étonnant, quoi. C'est un peu C'est la vraiment pizza plus, pour moi, c'est pepperoni vraiment, ouais, Freddy. c'est ça, exactement. Pour moi, c'est vraiment plus du tout un film d'horreur, quoi. Ouais. Freddy 6, on change vraiment de paradigme. Et c'est là que Non, non, Craven mais. aura l'intelligence d'en faire autre chose dans le film d'après. Ouais, honnêtement, c'est un Ouais. peu. C'est comme tu le dis, hein, c'est kids friendly parce que, genre, Ouais. il joue aux jeux vidéo. Il y a toute la. Enfin. Je me souvenais qu'il y avait un Freddy en 3D, mais justement, il y a eu toute la. Il y a une scène complètement en 3D où il faut. D'ailleurs, c'est assez marrant la façon dont ils expliquent ça, Oui, de où c'est mettre le ses. personnage met ses Ouais. lunettes et du coup tu comprends Met qu'il ses faut les lunettes et mettre. du coup, il faut mettre ses lunettes. Bon, je vous rassure, dans le Blu-ray, vous pouvez pas le voir en 3D, hein, Oui, vous n'allez pas le voir autrement, c'est mais étonnant. de toute façon, ça se voit tout de suite, tu sais. De toute façon, dès qu'il y a des plans, enfin, il y a des instants 3D dans des films, tu sais tout de suite que tu vas avoir des moments avec une main qui surgit, avec Ouais, voilà. des profondeurs de champ un peu modifiées pour rendre la chose plus attrayante à l'œil. Mais c'est pas très intéressant. Non, clairement. Non, c'est clairement. Et du coup, c'est. Justement, tout cet aspect-là, tout cet aspect ludique. Ça rend le film, honnêtement, c'est quasiment un film pour enfants. Mais oui, À il y a quelque part. chose de ça, hein. C'est un film qui est bon, il y a des moments un peu horrifiques, À machin, part. heureusement, hein, Voilà. mais. Oui, non, on parle quand même Mais. de viol, etc. Enfin, Oui, voilà, ça, non, c'est. c'est. Oui, ça, mais il Ouais. y a un côté vraiment kids-friendly dans le sens où il y a. C'est un film qui n'a pas tellement goût de sang, il n'y a pas beaucoup de morts, hein. Il y a pas beaucoup de scènes violentes. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je l'avais arrêté au bout de 45 minutes parce que j'avais été voir sur Wikipédia et j'avais vu que le dernier meurtre était passé. Et je me suis dit, Ouais. putain, et tout ce qui reste. Mais voilà, en le revoyant, j'ai trouvé ça moins intéressant que au moment où voilà où je regardais un peu les films en les mangeant comme un McDo, quoi. Mais disons que ça marque quand même pour moi un peu une rupture dans le sens où il y a plus grand-chose qui fait peur et finalement il y a plus grand-chose à en retenir, même s'il y a des choses, deux, trois éléments un peu intéressants. Honnêtement, ouais, mais celui-ci, je pense que c'est un de ceux qui m'a fait le plus rire et Oui, et où pour le je coup c'est sentais que voulu, hein, oui. c'était intentionnel, tu vois. Absolument, ouais. Là, c'est clairement tout l'aspect jeu vidéo où t'as le gamin qui fait des sauts complètement irréels dans la maison et tout ça. Enfin, c'est vraiment au niveau de la réalisation, c'est pas très bien réalisé. C'est pas. Donc on puisse dire, ouais. Oh oui, non, non, c'est clairement pas bien réalisé. Même le fait, tu sais, quand ils sont en van et en fait, ils doivent faire croire que ça fait des heures qu'ils tournent en rond et qu'ils reviennent toujours au même endroit. Même Ouais. cette séquence qui aurait pu être intéressante, bah, elle est gâchée parce que on les voit juste. On a toujours la même caméra au même endroit et y a pas de choses intéressantes, en fait. Et Oui, puis c'est. même le début, la chute interminable, là, c'est Ah oui, non, mais. une drôle Ah, d'idée, mais. hein, Ah, c'est une drôle et mais, d'idée. et mais, non, mais ça, c'est magique. Moi, ça m'a fait Ouais. exploser de rire. Ah oui, c'était Parce drôle, que, oui, c'est à drôle, la hein, toute clairement, fin, clairement, mais. à la toute fin, si vous regardez bien, genre, la pente, elle remonte un petit peu. Et du coup, tu vois l'acteur qui essaye de se jeter pour continuer sa Oui, chute. absolument, Et ouais. quand j'ai vu ça, mais moi, ça m'a explosé de rire. Je l'ai repassé au ralenti pour. Enfin, pas au ralenti, je l'ai repassé en arrière pour le revoir Ouais, parce que ça c'était très m'a fait ma drôle. Ouais, j'y journée. croyais pas non plus, moi, c'était très Non, drôle, non, je suis mais d'accord. moi, ça, ce genre de film, c'est clairement pas. Des films que j'apprécie. Enfin, quand je regarde une saga qui est censée être un peu. Alors, quand on dit sérieuse, c'est Oui, un un peu grand mot, horrifique, quoi, quoi. merde, Voilà, enfin, un voilà, peu c'est ça, trop horrifique. bon pour la Honnêtement, grossièreté. c'est un peu Ouais. comme regarder Halloween 6, quoi, clairement. Bah, c'est ça, Mais. pour moi, c'est quelque chose d'Halloween 6, hein, Non, dans mais la Halloween 6, construction, c'est hein. rien de drôle. Le Oui, problème, c'est que. C'est même pas drôle, quoi. Comment c'est mauvais, c'est que c'est vraiment mal fait, mal joué, mal interprété, mal réalisé. Il n'y a aucun scénario, Oui, c'est là, il n'y a confus pas rien, à mais mort. disons que, pfff, ouais, y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose en termes Ouais. d'horrifique, mais par contre, en termes d'humour, et enfin, honnêtement, moi, j'ai beaucoup ri dans celui-ci, Oui. et je lui trouve au moins cette sympathie, quoi. Voilà, c'est. Oui, non, voilà, c'est un moment à passer, on va dire. c'est peut-être un des moins intéressants en termes de thématique. Même le 2, je trouve qu'il a plus, il est plus intéressant en termes de thématique que celui-ci. Mais voilà, c'est un film qui reste à part et qui reste à regarder. Honnêtement, je pense qu'entre potes, une soirée, genre soirée nanar, ce film il passe crème. Crème. Et oui, juste du coup, comme c'est la fin de Freddy, à la fin, on n'a plus de scène où tout va bien et on voit une image de Freddy, où on entend un son de Freddy. Non, là, on a Freddy meurt, donc les démons Putain, un peu ouais, c'est une drôle d'idée un peu ça les aussi. langues, tu sais, les langolières là de Stephen King ou je Ouais, sais plus quoi là, tu sais, les couilles intergalactiques oui, voilà, c'est ça, les couilles intergalactiques, qui sont devenues absolument. un mème sur Internet. C'est un peu ce genre d'effet quoi, clairement, téléfilm Stephen King des années 80-90 partent et du coup ben Freddy meurt vraiment, voilà, et du coup c'est pour ça que on a eu droit au suivant, donc du coup on va en parler tout de suite, même si on en a beaucoup déjà parlé, mais voilà, je pense qu'il mérite clairement. C'est Wes Craven, New Nightmare, Ah oui. voilà, Wes Craven's New Nightmare, où Freddy sort de la nuit, ou titre québécois, Le cauchemar insolite de Wes Craven. Pourquoi pas? Ok, donc oui, c'est un cauchemar insolite de Wes Craven, c'est tout, voilà. Non mais c'est vrai, enfin Alors, insolite, je suis pas sûr du mot. c'est insolite, c'est étonnant, l'étonnant cauchemar de Wes Craven. Ouais, voilà. Donc réalisé, scénarisé par Wes Craven qui retourne à la franchise après la dernière touche qu'il a eue, c'était un peu sur le 4, tu disais. Oui. Là, il revient du coup pour le 7e épisode. Du coup, Freddy est mort, et d'ailleurs, c'est là où le film commence. C'est justement Freddy est mort, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Voilà. Et du coup, je vais quand même dire, le film est sorti le 14 octobre 1994 et, aux États-Unis, et le 3 mai 1995 en France, juste après ma naissance. Voilà. Un peu après ma naissance. Voilà. Du coup, au niveau de la distribution, on a Heather Langenkamp, pardon, qui revient. Et alors, en fait, au début, comme c'était la première fois que je le voyais, ce film, et je savais rien du tout dessus, je me suis dit, ah, elle revient, mais elle n'a pas le même nom. Oui, Et j'avais non, oui, c'est oublié. ça qui est Ouais, intéressant. voilà. Oui. Voilà. Et j'avais oublié que elle s'appelait Heather Langenkamp. L'actrice, Et ouais. du coup, je suis allé voir sur Wikipédia vite fait, genre 5 minutes après le début du film, et je me disais, mais pourquoi le mari du coup de ce personnage l'appelait Heather? Et en fait, puisqu'elle joue en fait son propre rôle, elle joue le rôle de Heather Langenkamp Oui, en c'est plus ça. En fait, de. c'est un métafilm, hein. C'est-à-dire qu'en fait, C'est. le film se passe pendant le tournage par Wes Craven d'un nouveau Freddy. D'un nouveau Freddy. Enfin, non, Ouais. c'est pas vraiment le tournage, c'est l'écriture d'un L'écriture, nouveau oui, Freddy. t'as raison, Ouais. tu as raison. Ouais, C'est. absolument. Non, non, mais c'est l'écriture La d'un. pré-production. Voilà, exactement. Ouais. Puisqu'il y a les costumes qui sont en train d'être créés. Voilà, des nouvelles choses. Donc, c'est un métafilm par excellence, et c'est ça qui le rend excellentissime, en fait, pour Oui, le c'est un coup. très très bon film, hein, Freddy sort de la nuit. Ouais, Ouais. absolument. Robert Englund qui joue le rôle de Freddy Krueger, plus lui-même, donc le rôle de Robert Englund. Alors que dans le générique, ça j'aime bien le dire, je sais pas si t'as remarqué ça, il y a J'ai peut-être. Non, j'ai écrit, pas fait gaffe. en fait, il y a écrit Robert Englund dans le rôle de Robert Englund et Freddy Krueger as himself. Et ça, c'est très bien vu parce que c'est exactement ce que dit le film. Ouais. Oui. Ouais, non, c'est parfait, c'est parfait. Miko Hughes, qui joue le rôle de Dylan Porter, donc c'est le mari de Heather Langenkamp dans ce film. Wes Craven, son propre rôle. John Saxon, qui joue son propre rôle et celui du lieutenant Donald Thompson, donc le père de Nancy Thompson. Robert Shea, qui est le producteur, est toujours producteur depuis le début et encore de celui-ci, de la saga Freddy, qui joue son propre rôle. Enfin voilà, il y a énormément de gens qui jouent leur propre rôle, qui est voilà que, et donc ce film moi je vais spoiler mon avis, moi je le trouve génial, excellentissime, et c'est peut-être un des meilleurs films de Wes Craven qu'il ait pu réaliser, et au moins on sent que il a pu dire tout ce qu'il voulait Il y a dire. une réappropriation très très forte hein, de Ouais. Freddy dans ce film-là. Ouais. Ouais, absolument. Parce que c'est un peu la même chose que Scream 3. C'est-à-dire que Wes Craven parle de la façon de faire un film d'un événement qui est supposé réel. Oui. Encore Voilà. que c'est d'un point de vue de la qualité, on pourrait dire que Ah, Scream oui. 3 et ce film-là n'ont pas grand-chose à voir. Non, non, non, non, oui, non, non, non, c'est Ouais, mais clair. effectivement, Ouais. c'est le. Encore que je ne déteste pas Scream 3. Mais Non, non, moi j'aime j'aime plutôt bien Scream disons 3. que voilà, c'est un film qui est beaucoup plus travaillé, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, dans Scream 3, on sent qu'il y a une petite frustration de ne pas pouvoir avoir dit tout ce qu'il voulait Oui. dire, alors que dans celui-ci, on le sent complet, en fait. C'est, on le sent dans sa recherche de ben, on a fait du slasher dans les années 80, enfin, dans les années 70-80, fin 70, toutes les années 80. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a établi ce schéma qui est très symptomatique, enfin qui est Maintenant qu'on très a tiré sur la corde, quoi, c'est de ça que le voilà, film parle, hein. Ouais. exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et honnêtement, c'est on le sent déjà dans la recherche de Scream, du premier Scream, qui sortira 2 ans plus tard, il me semble, 96, ou ouais, 96, il me semble. Et du coup, de faire du néo-slasher, du slasher. Pour la nouvelle génération, c'est-à-dire un peu méta, qui parle de lui-même, qui et en même temps qui invente de nouveaux codes, et celui-ci est un peu le précurseur justement de tout ça, et il le fait d'une manière exceptionnelle, tout simplement. Du coup, Adrien, toi, tu en penses quoi de ce film? C'est vraiment très très très bien. Pour moi, c'est bon. Je vais pas dire, Non, j'allais spoiler, mais non, non. disons que j'aime vraiment beaucoup le film. Et en fait, au-delà de l'aspect métatextuel qui est génial, quoi. C'est-à-dire que voilà, Freddy, ça Ouais, a toujours non été mais métatextuel. Là, c'est carrément la pré-production d'un film Freddy qui dégénère parce que quelque part, Freddy s'invite un peu trop dans le tournage. Et en fait, c'est encore lui qui dirige. Et ça, c'est génial. Et en plus, c'est un film hyper poétique. C'est-à-dire que c'est pas seulement un film d'horreur. Qui fait peur parce qu'il est effrayant ou très intelligent, c'est aussi un film très poétique. Bon, j'ai envie de spoiler la scène de fin, ce serait peut-être un peu Non mais dommage. Oui. on part du principe que vous avez vu tous les Freddy Voilà, et que ok. vous écoutez ce podcast. Ok. Voilà, Donc, donc. à la fin du film où en fait tout est fini avec ce petit gamin et puis Heather Ouais. Langenkamp qui sont sauvés et qui commencent à lire le scénario que leur a envoyé Wes Craven. Et en fait, ce scénario, c'est tout le film. Ouais, Et rien que ça, je trouve voilà. que c'est très beau, c'est même pas un twist, parce qu'en fait, on sait pas tellement comment expliquer ça, tu essaies de l'expliquer, ton cerveau, Ouais. il fond, je pense, hein. En Mais, fait, ouais. quand tu l'expliques et quand tu le dis comme ça peut paraître un peu cliché. Tu veux Mais dire, non, en oh, fait, enfin, oui, voilà. non, en fait, c'est Mais une idée très jolie, très poétique, et qui est voilà, pas un c'est ça. twist, c'est beau, vraiment autre chose que Justement. ça. Et par ailleurs, on voit bien que Englund ici s'est réapproprié le truc, parce qu'on sait qu'il était très mécontent de la manière dont a été traité Freddy depuis facile le troisième film, Ouais, on va ouais. dire. Mais il le faisait Même, quand même pour voilà. l'argent. Hein. Non, Wes Craven faisait pas grand-chose, hein. Il a un peu touché au Ah quatrième comme non, ça, parce que t'as dit mais Englund, non, t'as dit Englund, ah non, Englund, pardon, je parlais de ouais. Craven. Non. Ouais, Craven, Craven, pardon. on savait qu'il était assez frustré de la manière dont était traité Freddy Ouais. à partir du troisième film. Et là, il a vraiment laissé libre cours à son intérêt pour le personnage. Et il y a des idées géniales. Cette espèce de long trench coat qu'il a Freddy pendant tout le film, c'est génial. Ouais. Il est très beau visuellement son Freddy, quoi. Et il Ah faut mais savoir que déjà ces idées-là sont des idées qui datent du premier film, qui avaient simplement pas été utilisées. Ouais, C'est-à-dire que ouais. là, tout ce que voulait faire Craven depuis le début avec le personnage de Freddy, tout y est, tout est dans le film. Et là, c'est très Ouais. réussi. On peut quasiment considérer comme une suite directe du premier, hein, sans évidemment que soit pris en compte le côté quand même important du fait de tirer sur la corde, le côté personne pendant le film, aucun acteur, aucun réalisateur n'a envie finalement de le faire. C'est aussi ça qui est intéressant dans le film. Et Ouais. c'est pour ça que Freddy s'invite quelque part. Donc ça, faut quand même avoir vu les autres films pour comprendre pourquoi le film dit qu'on a tiré sur la corde. Mais c'est très intéressant. C'est entre un film quasiment un cinéma documentaire sur comment se passe le tournage d'un film d'horreur et à côté un vrai film fantastique. C'est un peu le C'est la fin. Je sais pas si t'as vu. Je sais pas si les gens connaissent ça. Un film avec notamment Jonah Hill Oui. et Ouais. This is the end, Plangette, This is enfin, the ouais. End. Voilà, c'est un peu le Ouais. This is the End de Freddy, c'est-à-dire un film qui commence par vraiment une rencontre entre réalisateur et acteur connu dans le monde réel et son propre rôle, à un espèce de côté complètement, de film complètement fantastique ou horrifique, ou comédie, dans le cas de This is the End. Et là, c'est vraiment la même logique, et c'est très intéressant comme c'est fait. Et tout le monde joue bien, même Heather Machin, Langkamp, qui était pas une très bonne actrice, joue bien parce que Craven a compris ce qu'il faut faire jouer à ces acteurs-là. Ouais. Et c'est très réussi à tous les niveaux, que ce soit au niveau visuel, de réalisation, au niveau du scénario, tout est réussi. Je pense que, ouais, honnêtement, c'est le seul Freddy qui m'a fait peur à un moment. Moi, je sais pas si j'ai eu vraiment peur, mais disons que j'étais très intéressé par ce que je voyais à l'écran. Ouais, quoi. Et j'ai plutôt été inquiet, tu vois. Oui, c'est ça. Absolument. Pour le destin des personnages. Voilà, pour le petit gamin qui arrête pas de crier, qui a des terreurs nocturnes. Ça, c'est un film qui est très... Encore une fois, très universel et qui retrouve vraiment ce qui faisait la force du premier Freddy. Ouais, mais non, mais ouais, pour moi, ce film, il a réussi sur tous les points, oui, clairement. Oui, c'est vrai. C'est tellement beau visuellement. Et puis l'idée aussi, l'idée de le faire. Enfin, les couilles de se dire, bah tiens, je vais faire ce film et je vais le faire comme ça. Aussi, quand même, New Line. Qui est la société de production qui fait les Freddy depuis le début, qui a un peu sa saga fétiche qui lui a rapporté pas mal d'argent, d'accepter de traiter le personnage de cette manière, pour moi ça demande quand même un certain lâcher prise et tout ça, et enfin on sent que Wes Craven a vraiment eu le contrôle artistique quasi total. Mais il faut savoir que ça a payé parce que le film, sur le moment, a eu des critiques relativement positives. Il a été totalement réhabilité depuis. Et par ailleurs, c'est le préféré de beaucoup de stars de la saga, et notamment d'Englund, hein, faut le savoir. Donc c'est parce que c'est un film très réussi. Enfin, pour moi, il se voit au-delà de toute appartenance à une saga. Là, comme un film vraiment métatextuel sur ce que c'est que faire un film, et ce que c'est que d'avoir peur de faire un film, quoi, de la création. C'est ça. C'est très travaillé comme film. Hein. C'est vraiment très bien. Ouais, non, et puis tous les personnages sont intéressants, je veux dire, puisque en fait, c'est comme si on les connaissait, mais pas vraiment, parce qu'on voit un aspect différent des personnages. On voit Englund, qui est clairement différent de Freddy, qui est vraiment plutôt sympa, avec. Qui s'inquiète de ce qui lui arrive, même si il part un peu au milieu du film sans vraiment d'explication. Je sais pas si c'est par rapport au fait que Freddy du coup apparaît de plus en plus et du coup lui doit disparaître pour incarner Freddy, enfin si c'est un message aussi méta que ça, je sais pas, mais en tout cas c'est super bien fait, quoi. John Saxon aussi dans son rôle dans son rôle du coup de un peu, on sent qu'il, je sais pas si ça a été comme ça dans la vraie vie, mais que il est devenu vraiment ami et même un peu protecteur de Heather Langenkamp qui jouait sa fille du coup dans le premier film, et du coup il a cet aspect un peu paternel dans le film, même dans la vie de Heather et de son enfant. Honnêtement, le scénario il est super bien écrit. J'ai pas remarqué de trous dedans ou de non-sens qui détruisait tout ce qu'il mettait en place. Il y a le moment où elle va voir Wes Craven qui est en train d'écrire le scénario et qui lui explique justement que Freddy est une entité qui a pris cette forme mais qui existe depuis des millénaires, et justement on voit justement cette idée à la fin où on voit le script. Là, on voit un écran d'ordinateur où il a écrit justement la scène de dialogue qu'il venait d'avoir avec Heather Langenkamp. Il y a des idées visuelles magnifiques. La scène finale qui se passe dans le rêve, elle est, même si c'est pas vraiment de la folie pure comme ça a pu l'être. À certains moments, ça reste. Moi, je trouve que c'est super bien maîtrisé parce que ça reste un point donné, c'est-à-dire que on a vraiment, même en ayant vu le film qu'une seule fois, je peux vraiment vous faire un plan visuel de l'endroit où ça s'est passé, quoi, genre ces espèces de colonnes romaines, etc., avec cette eau, ce genre de piscine, etc. Et puis Freddy qui élargit son bras et élargit sa langue aussi, ce qui est un peu la même chose que dans le premier, Oui, justement. absolument. Voilà, en fait, on fait de Freddy quelque chose qu'il était déjà dans le premier. C'est-à-dire pas non plus complètement de la folie pure, mais qui est assez. Qui peut quand même détourner les règles de la réalité pour faire des choses qui paraissent incroyables et qui font peur, quoi, clairement, au personnage. Donc voilà, non, non, honnêtement, et puis le design du nouveau Freddy, moi je suis amoureux de ce C'est design, beau, hein, il est le trench coat, magnifique. le machin, le truc, c'est des très belles idées. Le maquillage, il est vraiment bien fait. Les griffes qui sont un peu plus organiques enfin, oui, qui sont plus organiques, enfin, qui sont intégrées de manière plus organique sur la main de Freddy. Enfin, bref, c'est. Pour moi, ce film, il est proche du parfait, hein, clairement. Moi, j'ai jamais vu un autre film qui parlait aussi bien de la façon de faire un film. Et enfin, on a des discussions avec des producteurs. Et en plus, ce qui est bien avec Wes Craven, c'est qu'il prend pas le public pour des cons. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas leur surexpliquer ce que c'est un producteur, ce que c'est machin, qui c'est les personnes qui font les effets visuels, etc. Il sait à qui il parle. Il sait que le public n'est pas débile et qu'il va comprendre clairement en une seule phrase, quoi, et pas en surexplication. Et c'est ça qui rend le film super dynamique déjà. Parce que honnêtement, moi j'ai pas vu passer. C'est le film le plus long, hein. Il dure 1h45, quelque chose comme ça, Ouais. 46 peut-être. C'est le film le plus long de la saga et ça les vaut clairement parce que on voit pas le temps passer. Il y a des sublimes scènes visuellement, que ce soit à l'hôpital. D'ailleurs, à l'hôpital, il y a le remake un peu de la scène de la fille qui se fait traîner sur le mur, mais qui est exécuté comme il aurait voulu le faire justement dans Les Griffes de la Nuit, comme tu disais. Justement, on sent que là, il a les moyens techniques et la pression au niveau du studio assez forte pour faire vraiment la vision qu'il avait de ce qu'il voulait faire pour le premier Les Griffes de la Nuit, quoi. Et d'ailleurs, ce film, donc New Nightmare, Freddy sort de la nuit, il sort pour le 10e anniversaire des Griffes de la Nuit, de Nightmare on Elm Street, le premier, Ouais, puisqu'il sort en c'est vrai. 94 et le premier est sorti en 84. Donc ça dit beaucoup de choses en fait. Et enfin voilà, moi je pourrais en parler des heures de ce film, il est génial, il est magnifique. La fin aussi, où on est, où du coup John Saxon qui, on sait pas si on est dans un rêve ou dans la réalité, reprend son rôle de Donald Thompson en Oui, disant c'est très bien mais, fait. mais Nancy, pourquoi tu m'appelles John? Je suis Donald. Enfin, et pourquoi tu t'appelles, enfin, pourquoi tu dis que tu t'appelles Heather? Enfin voilà, des choses comme ça où on mélange la fiction avec la réalité, enfin la réalité du film du coup, qui rend vraiment le truc mais génial scénaristiquement parlant. Et voilà, et c'est pour moi c'est clairement un, si ce n'est pas le meilleur film de la saga. Ouais, Voilà. c'est un très beau film. Ouais, voilà. Tu as quelque chose à rajouter ou on passe à la suite? Non, Je absolument pas, tout est dit. sais que tu es très impatient de passer à la suite. Non, pas du tout. J'aime tous les films dont on parle. Non, mais attends, moi je sais qu'on va parler d'un film là maintenant. On va parler d'un film Ah que tu aimes oui. beaucoup, Que j'apprécie que tu énormément. apprécies, voilà. Peut-être pas autant que New Nightmare, je pense pas. Wow, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, oui, clairement. Donc, un film qu'on a vu ensemble d'ailleurs. Moi, je le voyais pour la première fois. Toi, c'est un film que tu me disais que tu Que adores, j'ai beaucoup beaucoup que vu. t'aimes beaucoup Ouais. et que tu regardes souvent, enfin que t'as vu souvent. Et du coup, Absolument. moi, je le voyais pour la première fois. On a regardé ça en même temps sur Skype. Et voilà. Donc, c'est Freddy contre Jason, ou versus Jason, si voilà, si c'était en anglais ou en français. Alors, depuis New Nightmare, donc en fait New Nightmare, ça marque vraiment la fin de de quelque chose, enfin c'est le Freddy, uniquement Freddy quoi, le film de Freddy qui était comme dans les années 90, 80, ça marque un peu la fin du Freddy qu'on a connu depuis le début quoi. Là, on est Oui. encore du coup dans ce Freddy contre Jason qui est réalisé par Ronnie Yu. Qui a été scénarisé par tellement de personnes. Damien Shannon, Mark Swift, Wes Craven, bizarrement. Tu t'en sais plus là-dessus ou Redis-moi sur ça. Wes Craven qui est au scénario? Ça me paraît un peu bizarre ça. Je n'en sais Non. pas beaucoup. Non, je Ok. ne sais pas beaucoup. Ça paraît étrange. Du coup, Victor Miller avec une Ouais. participation non créditée de David S. Goyer. Goyer. Sorti aux États-Unis le 15 août 2003, donc on est quasiment 10 ans après New Nightmare, et en France le 29 octobre 2003. Robert Englund reprend pour la dernière fois son rôle de Freddy Krueger. Du coup, ensuite il y a Ken Kirzinger qui interprète Jason Voorhees, Monica Keena, Jason Ritter. Ah mais c'est Jason Ritter. Ah oui, Jason Ritter, putain, oui. Et on a notamment Kelly Roland, également. Ah non, non, excuse, j'allais dire une bêtise, je vais Catherine, dire une bêtise, Isabelle. continue. Non, non, non, non. Ouais. Justement, c'est pas Miles ma Teller. Mais non, Max non. Teller, bon, le Oui, non, sosie parce que officiel de Max Teller joue dans le film, faut savoir. non, mais c'est pas Jason Ritter dont on parle. Hein. Ou c'est Non, quoi? non, non, bien sûr. Non, non, non, c'est Christopher George Mais ça n'a pas d'importance, oui, Marquette, voilà, ouais. c'est celui-là. Parce que ouais. Brendan Fletcher, Tom Butler, etc. Voilà. Bon, déjà, Jason, Vendredi 13, voilà, c'est un personnage qui est connu des fans d'horreur, clairement. Voilà, en gros, Je sais. un tueur dont les origines sont qu'il était il s'est noyé dans un camp de vacances quand il était enfant suite à la négligence de des gens supposés surveiller quoi et qui revient Voilà, c'est ça. régulièrement pour tuer des adolescents en chaleur, en gros. Mais t'as résumé parfaitement. Non, mais Ah bah voilà, hey, donc. je les maîtrise des films. Non, non, mais Bien oui. Mais. malheureusement pour moi d'ailleurs. Ouais. Oui. Non, mais de toute façon, je suis sûr qu'on sera amené à nouveau parler de Vendredi 13 un de ces jours. Mais en tout cas, Absolument. pour l'instant, du coup. Donc, le synopsis. Freddy Krueger, qui est en enfer, apparemment. Il a été oublié des jeunes de Springwood. Il est décidé à se rappeler. Il s'insinue Leur du coup dans les mémoire. rêves de Jason Voorhees, le tueur Oui, de on sait pas comment il fait, mais Crystalville. il le fait en tout cas. Voilà. Et il se sert de lui pour semer à nouveau la terreur sur la petite ville à son propre profit. Mais du coup, Jason devient incontrôlable et les adolescents se retrouvent confrontés à deux problèmes de taille. Ah. Ah là là. Quel Ah, synopsis. Quel synopsis, mes amis, mes aïeux. Non mais du coup, moi j'aimerais vraiment que tu m'en parles de ce film comme la poésie que tu vois que tu vois dans ce film. avec tout l'amour. Ah, j'ai jamais dit que je voyais de la poésie dans ce film. Ah non non J'ai non dit mais. que voilà, c'est oui, effectivement, j'ai bassiné Axel pendant des mois pour qu'on réussisse à se trouver une date commune pour regarder Freddy contre Jason, parce qu'effectivement, c'est un Voilà. film que moi j'ai beaucoup vu et revu et dont je trouve qu'il est à peu près la quintessence de tout ce qu'on pouvait attendre d'un affrontement entre deux serial killers. Il faut savoir que le projet a été en gestation pendant très longtemps. Ouais. Sean Cunningham, Bah, le le réalisateur cerveau, du si j'ose dire, premier Vendredi 13, le cerveau derrière toute la saga Vendredi 13, voulait vraiment que ça arrive, et ça a fini effectivement par arriver. ouais. Après, donc, les semi-échecs qui étaient Jason Takes Manhattan, Jason Goes to Hell et Jason X, ça a fini effectivement par arriver. Et je suis très très Jason impatient de X, en voir fait, pour qui est ma part hein. le Jason dans l'espace, faut le Dans savoir. l'espace hein. Et Ouais. alors, il y a beaucoup de choses à dire de ce film. Voilà, c'est un film où Ronnie Yu a mis tout son amour pour le cinéma d'horreur. Faut savoir qu'il a aussi réalisé un Chucky, même deux Chucky, je crois que la fiancée de Chucky et le fils de Chucky, je crois que les deux, c'est lui. Et donc voilà, il a mis tout son amour pour le cinéma d'horreur dedans. Il a même été tenté à un moment de mettre Pinhead d'Hellraiser à la fin du film, mais bon, ils ont dû trouver Ah que ouais, ça faisait trop. d'accord. Ou alors ils ont eu peur pour des questions de droit. Et de droit, bon, tout ça pour dire que c'est une forme de jouissance de fanboy, ce film. Hein. C'est-à-dire que ah oui, mais c'est un on film de attend fan, le film de et durer une pour heure et fan. demie. Ouais, c'est ça. Le film dure une heure et demie. On attend pendant 45 bonnes minutes l'affrontement entre les deux, puisqu'en fait, à partir du début du film, Freddy se sert de Jason pour arriver à ses Ouais. fins, avant de comprendre, comme tu le disais, qu'on ne peut pas contrôler Jason. Et c'est assez intéressant parce que sans qu'on voit réellement Freddy en action pendant 45 minutes, sa présence est là. Et en fait, ça fonctionne très bien. Et on voit tous les essais très intéressants où il tente de tuer quelqu'un, mais il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas encore assez fort. Notamment quand il se transforme en ombre, en espèce de vent. À un moment, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Tandis que Jason, lui, c'est la boîte de décoffrage. Et il y a vraiment une dichotomie entre les deux personnages qui est très intéressante à regarder, où Jason, vraiment, il est là, il tue comme un ballot avec sa grosse machette, quoi, alors que Freddy est beaucoup plus intellectuel. Et finalement, Freddy se rend compte que ce qu'il prenait pour un abruti, Jason, en fait, est réellement contrôlable. Et donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans la première partie du film. Là, la deuxième partie, c'est vraiment pour le coup le délire, Ah mais c'est délire geek des... total, quoi. C'est un Ouais. espèce de plaisir de voir ces deux personnages s'affronter. Ça fonctionne très très bien. Il y a des séquences très dérangeantes. Je pense notamment à la séquence où Freddy profite de la peur de l'eau de Jason pour le transformer en enfant et aller voir ce qui se passe réellement dans sa tête. Et il y a énormément de blagues extrêmement drôles. Moi, tu parlais tout à l'heure de ta réplique préférée de la saga. Moi, c'est clairement le moment où Freddy attaque une fille obsédée par son apparence physique qui veut se refaire le nez et tout ça, et où il attrape le nez avec ses deux griffes pour lui arracher. Il lui dit « I got your nose ». Voilà, pour moi, ça c'est clairement la meilleure réplique de la saga. Et C'est à trop la fois fort, c'est ça. drôle et à la fois on voit qu'il y a une véritable générosité dans la proposition, que c'est pas uniquement cynique pour faire des blagues, mais c'est aussi vraiment Freddy est comme ça, Englund est Oui, comme bien sûr, ça. c'est... Ils n'ont Et pas réécrit le personnage, hein, c'est c'est un clairement, il film qui était comme ça est depuis le début. Ils n'ont pas réécrit le personnage, et il y a quelque chose de très très intègre, je trouve, dans la démarche. C'est pas seulement une vache à lait, mais aussi un vrai affrontement. C'est quasiment du catch à la fin, hein. Oui, voilà, Oui. il se tape dessus par tous les moyens possibles et imaginables. Il se plante des trucs et des Il y a un machins. nombre de Tu sais corps pas vraiment volants qui dans ce gagne à la film. fin. Ouais. Je Il y a un l'avais nombre de corps signalé. volants, d'explosions, machin. Enfin, il y a beaucoup de pyrotechnie, hein. Et c'est très très satisfaisant, très dérangeant. Il y a beaucoup d'inventivité dans les rêves. Je pense notamment à ce moment où Freddy, c'est complètement absurde, ça se transforme en une espèce de ver pour aller filer un narguilé aux drogués de la bande. Voilà, il y a plein de moments très très très satisfaisants, très sympathiques et très inventifs. Et au-delà du fait que le film est un espèce d'immense orgasme pour geek fan de films d'horreur, je trouve que c'est un film qui tient qu'à ses défauts de mise en scène et ses défauts un petit peu aussi de jeu d'acteur comme De jeu d'habitude, d'acteur, oui. Ah oui, mais non mais... oui, mais qui est un Enfin, film, voilà, qui est empreint d'une telle générosité, d'une telle envie, que moi je trouve effectivement, oui, qu'il est très réussi. D'accord, ouais. Ben, honnêtement, moi, comme je l'ai vu avec toi, ça a rendu l'expérience encore plus... Ah Encore oui, meilleure, puisqu'il parce avait mes que... commentaires pendant tout le film, Voilà, mais... c'est ça. Et puis, C'est ça. on faisait des blagues sur ce qui se passait, et voilà. Donc, du coup, voilà, moi, le film, je l'ai apprécié... En le voyant avec toi, du coup, mais je sais pas si je l'apprécierais autant en le voyant tout seul. En le revoyant tout seul, ouais, bah moi ça Ouais. marche bien tout seul, Oui, non, mais mais ouais. après, moi je lui enlève pas ses défauts, c'est-à-dire, enfin ses qualités, c'est-à-dire. Sacré lapsus, Oui, mais voilà, ouais. c'est. Mais c'est-à-dire que l'affrontement final, enfin, honnêtement, en entendant Freddy versus Jason, on a eu ce qu'on. Ce qu'on pour l'argent qu'on a payé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. C'est clairement c'est plutôt enfin quand je dis bien réalisé entendons-nous c'est-à-dire que c'est Non, non mais oui, c'est c'est pas du Carpenter, réclame. pas du Carpenter c'est pas du même du Wes Craven clairement mais honnêtement c'est ça délivre ce pourquoi on avait vu enfin on veut voir le film. On a un affrontement vraiment épique où il y a plein de choses qui se passent. Bon, il y a des moments un peu what the fuck avec des bouteilles d'hélium ou je sais pas quoi qui explosent de partout. Enfin, ça fait un peu actionneur à certains moments, actionneur hongkongais ou je sais pas quoi, mais c'est un peu à la. Merde, comment. Ah, John Woo, je veux dire, il y a pas un moment. Il y a pas mal de moments ralentis, j'ai eu l'impression, dans ce film. Il me semble que j'arrive à me sou... enfin, je me souviens de pas mal de ralentis qu'il y avait dans ce film. Voilà. Après, honnêtement, moi, ce qui m'a le plus emmerdé, c'est clairement la partie avec les adolescents où on se fait vraiment chier. C'est pas, enfin, ils sont marrants parce qu'ils jouent mal, parce qu'ils sont, ils s'habillent de la même manière à chaque fois. Ça fait la blague sur le personnage de Ah oui, Kelly c'est la Rowland blague, ouais, absolument. qui change jamais de vêtements. Et vous verrez quand vous voyez, quand vous reverrez le film, si vous le revoyez, que clairement, il y a des personnages qui changent jamais de vêtements. Il y a des problèmes de montage, c'est-à-dire que il y a des mecs qui apparaissent, on sait pas d'où ils apparaissent. Par exemple, quand alors la fille principale, je sais pas comment elle s'appelle, Laurie Campbell, il me semble, ou un truc comme ça. Je crois que c'est elle. Du coup, elle part de la maison de son père parce qu'il apprend, elle apprend que son père a tué sa mère. Une autre joyeuseté. Et du coup, y a son petit ami qui l'attend au coin de la rue, mais genre, ils lui font un vieux screamer, enfin, pas screamer, comment dire, le mot, je sais plus. Merde. Quand tu fais peur à quelqu'un Un juste choc. en lui disant bouh, voilà, un bouh, tu sais, mais au cinéma, Bah voilà, j'ai un plus le mot, mais pouf, un voilà, sursaut, bref, un jumpscare. voilà. Un jumpscare, voilà, exactement, je cherchais le mot jumpscare, voilà. Un jumpscare tout pourri où, genre, le petit copain, il l'attrape par l'épaule en sortant de derrière les buissons, il fait oh, hey, qu'est-ce que tu fais là? Il y a vraiment des moments qui sont très drôles, nanardesques, tu vois, mais entre tout ça, il y a une genre une pseudo-enquête Scooby-Doo un peu chelou qui est pas très intéressante. Je repense à tout l'aspect dans l'usine là où je sais plus comment enfin on sait pas comment ils sont rentrés, tu sais, ils rentrent comme s'ils rentraient à la poste. C'est vraiment enfin il y a plein de problèmes de montage et de scénario, mais après le film reste jouissif pour ce qu'il est et du coup je peux pas lui enlever ça. Oui, Donc clairement. non mais enfin voilà, clairement c'est pas c'est pas enfin c'est un film qui est marquant pour déjà pour le fait d'avoir fait Freddy versus Jason qui est quand même enfin un crossover je pense au niveau des enfin au niveau des droits ça devait pas être non plus enfin je sais pas comment ça s'est passé mais c'est New Line qui distribue aussi Vendredi 13 je sais plus maintenant mais Je crois bien. Je ouais. crois bien qu'il y a quelque chose comme ça, oui. Je crois qu'il y a eu un Ouais, espèce d'échange de du coup droits ça a là-dessus. facilité je pense la chose mais du coup voilà quoi c'est ça reste un film qui est pas exemple de défaut hein. Et c'est un peu nanardesque sur beaucoup de points Oui, je vois ce que tu veux dire. ouais. Donc voilà moi j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur ce film t'en as déjà très bien parlé et je comprends ton amour pour le film clairement parce que c'est clairement un délire de fan de cinéma d'horreur hein, clairement. Et il réalise Oui, tous ses clairement, fantasmes ça n'est ni au point de plus ni moins que vue. ça, hein. Oui. Ouais. Et du coup, oui, non, ça n'a pas non plus la prétention d'être autre chose. Et c'est ça qui est bien en fait. Parce que si ça avait eu la prétention de faire un truc très sérieux, très. Enfin voilà, dans la même veine que le reste de la saga. Enfin, le reste de la saga, je m'entends bien, les bons films du reste de la saga. Je pense que ça aurait pas fonctionné quoi. Donc là, c'est Oui, clairement dans. peut-être. Ouais, voilà. Et du coup, la fin qui est magique, qui est Jason qui sort du lac après s'être pris un nombre de coups, de couteaux, de flingues, ou je sais plus quoi, Tout ce incalculable. que tu veux, ouais, absolument. Voilà. Brûlé, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Il sort du lac en tenant la tête de Freddy, et du coup, Freddy, la tête de Freddy s'anime et fait un clin d'œil à la caméra. On entend son rire à la fin et pour cette scène de fin Ouais. c'est magique c'est bravo le cinéma tu vois Absolument. c'est pour ça qu'on paye des impôts quoi clairement Oui, c'est clairement. donc on va passer à une joyeuseté un peu moins intéressante Et à la fin, d'ailleurs. voilà c'est ça la der Monster. des der comme on aimerait l'appeler enfin en tout cas plus jamais de film comme ça. C'est Freddy les Griffes de la Nuit ou A Nightmare on Elm Street. Donc c'est le remake de 2010, plus précisément sorti aux États-Unis le 30 avril 2010 et en France le 12 mai 2010. Il est réalisé par Samuel Bayer, il est scénarisé par Wesley Strick et Eric Eisserer. À la production, parce que je pense que c'est intéressant de le signaler, c'est comment il s'appelle cette société, Platinum Dunes, donc la société de production de Michael Bay. D'ailleurs, Robert Shay est uniquement producteur délégué et pas producteur direct, donc c'est quand même dire quelque chose. C'est le dernier film Freddy qui est sorti à cette date. Pour l'instant, il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu une bande-annonce récemment, je veux dire, cette année, il me semble, ou l'année dernière, concernant un film qui devait sortir en 2019, mais qui apparemment est repoussé en 2020, et qui a pas l'air terrible. Mais pour l'instant, c'est la dernière itération de Freddy au cinéma. Au niveau de la distribution, Jackie Earle Haley, qui interprète Freddy Krueger et Fred Krueger. Elle avait notamment vu dans qui jouait l'homme jaune dans Sin City, et surtout, il me semble, et surtout Rorschach dans Watchmen. Ouais. Il joue aussi dans Shutter Island, il me semble. Donc c'est le premier film Freddy, et même le premier produit Freddy. Puisqu'on peut clairement appeler ça des produits maintenant, sans Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger. Donc c'est quand même dire quelque chose. Bon, après, c'était un remake, donc ça aurait été un peu étrange de vouloir reprendre Robert Englund, sachant que, bon, il est quand même en 2010, il était déjà un peu âgé, quoi. Voilà, c'est un nouveau Freddy. Rooney Mara au casting, il y a aussi Kyle Gollner, Cathy Cassidy, Thomas Dekker, Kellan Lutz, Clancy Brown, Connie Brighton, voilà. Bref, il y a un casting de gens soit très connus aujourd'hui comme Rooney Mara, soit de gens qui ont quand même une petite carrière dans le cinéma, quoi. C'est pas des inconnus complets comme pouvait l'être à l'époque Nancy, comment ça s'appelle, Heather Langenkamp, il y a quand même un certain casting, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est bon. Le casting, on peut en voir ce qu'ils en font. oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Au moins, donc c'est un peu dans la vague des la vague 2000-2010. Même si c'est peut-être honnêtement, je crois que c'est peut-être un des derniers gros remakes de cette période-là. Du coup, des films des années 80. Par exemple, Vendredi 13, Massacre à tronçonneuse, Halloween, pour ne citer que les plus ou la colline à des yeux d'Alexandre Aja, par exemple. Mais la dernière maison sur la gauche aussi, adaptée aussi de Craven, il y a eu un remake à l'époque. Ouais. Je l'ai jamais vu. J'ai vu le film original qui est plutôt. Enfin, moi j'aime bien, mais un peu spécial. D'ailleurs, Wes Craven a exprimé son mécontentement face au remaniement de son film dans celui-ci, et Robert Englund aussi. Par contre, lui a exprimé son soutien au remake et au Freddy joué par Hayley. Donc voilà. Ouais. Et puis en plus, je pense qu'il en avait un peu marre de jouer le rôle de Freddy Krueger. Déjà, il est reconnu à vie pour ce rôle. Je pense que, bon, même si sa carrière actuellement, c'est principalement jouer dans des DTV et des films d'horreur. Qui sortent pas chez nous. voilà. C'est un remake au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on prend les éléments principaux du premier film, donc sorti en 84, pour le réadapter au goût du jour. En essayant de le faire, en tout cas. Voilà, en essayant de le faire. C'est un peu compliqué dans l'exécution, mais du coup, en faisant par exemple de Freddy pas uniquement un tueur d'enfants, mais un violeur d'enfants, pour le rendre encore plus cruel et vicieux. Ce qui est pas une mauvaise idée en soi. Bah, ce qui est Je pas une trouve. mauvaise idée en soi, d'autant que c'était l'idée originale de Craven, hein. C'est juste que c'était un peu trop dérangeant pour l'époque, Oui, ouais. c'est clairement évoqué Oui. dans les suites des films, mais c'est voilà, simplement Ouais. montré à Sauf l'écran, si j'ose dire, même si c'est évidemment pas complètement montré Oui. dans le remake. Ouais. Sauf que, ouais, dans le remake, c'est vraiment mal. C'est très très mal exécuté, je trouve. Donc voilà. Toi, du coup, c'est le premier film que t'as vu de Freddy, si mes souvenirs sont bons, c'est ce que tu as dit. Oui, alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en suis pas totalement sûr. Sa Ah, attends, bah, j'ai juste pas dit le simplement le fait. réalisateur, pardon. Oui, Réalisateur vas-y, Samuel pardon. Bayer Le et Bayer, Samuel scénario Bayer, ouais. Wesley Strick ah non, attends, je l'ai dit. Non, je l'ai dit, pardon, désolé. Vas-y, Oui, tu as, ouais, je c'est t'ai pas coupé la grave, je t'en parole prie. sans aucune raison, je suis désolé. Y a pas de souci. Alors oui, non, alors comme je disais au début, je sais pas si c'est le premier Freddy que j'ai vu, mais c'est possible, en tout cas. C'est D'accord. possible parce que, voilà, en le revoyant, je me suis dit, ouais, c'est quand même un film que je connais très bien. Bah, pour mon avis, c'est un film qui est à la fois prétentieux dans son approche et mal exécuté et mal fait, hein, un mauvais film. Prétentieux dans son approche parce que, bon, ils ont fait cette chose-là qui arrive malheureusement de plus en plus fréquemment, où ils n'ont pas consulté Craven pour faire le film, en disant, on n'a pas besoin des originaux, parce que nous, on fait notre truc à notre sauce. Parce qu'ils disaient notamment que c'était devenu n'importe quoi, Freddy qui fait des blagues, plus horrifiques, machin. Très bien, admettons, Craven n'était pas très content, ce qui peut se comprendre, mais admettons. Le problème, c'est que ils parlent d'originalité, mais en fait, ils refont le premier film. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des bonnes scènes de ce film-là, Freddy qui sort du mur, Oh putain, qu'est-ce mais qu'il y qu'est-ce avait que c'est d'autre? dégueulasse en plus dans ce remake. Oh. Ouais, Freddy qui sort Déjà, du mur, on peut je crois parler des qu'il effets y a le visuels. geyser Ils de sang sont. aussi. Ouais, Ouais. ouais. Les effets visuels sont ingérables. Hein. Honnêtement, c'est Ouais, c'est dégueulasse. ça, absolument. Ouais. Freddy qui sort du mur, le corps sanglant qui traîne par terre, la fille qui se fait tuer en l'évitant. Ouais. En fait, ils reprennent complètement les éléments du premier film, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ils avaient fait d'ailleurs, et ça c'est Ouais, la scène ce de qui a la été beaucoup baignoire dit qui est par les tellement mal producteurs, faite. ouais c'est ça, comme Vendredi 13, ce qui aurait pu être fait, parce que pour le remake de Platinum Dunes de Vendredi 13, ils n'avaient pas refait un remake du premier film bêtement, mais ils avaient intégré plein d'éléments de la saga pour faire un film. Là, c'est différent. En fait, ils font un remake du premier, ce qui, en fait, restreint vachement le potentiel créatif. Et en plus, ils en font rien, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant de nouveau dans ce film-là. Il y a le concept des micro-siestes. Alors, on nous a bassinés à la sortie du film en nous disant, vous allez voir, c'est génial, machin. En fait, Ben non, ça c'est un apporte rien. apport. Il n'y a pas d'apport parce que, en fait, la confusion entre le réel et le rêve existait déjà dans le premier film, sans besoin de dire clairement, c'est des micro-siestes. Donc, en fait, c'est un Juste, film qui a fait beaucoup de ils ont poudre aux yeux apporté comme une ça. explication scientifique à quelque chose qu'on connaissait déjà, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un film qui a beaucoup de poudre aux yeux comme ça. Et le problème, c'est aussi que et je comprends qu'ils aient voulu faire un film horrifique qui fait peur, mais Freddy fait pas de blagues du coup. Ils ont fait Freddy un espèce de boogeyman qui a deux trois punchlines ridicules. Oh, mais le. Et par ailleurs, j'ai rien contre Jackie Earle-Haley, mais là, le problème avec le maquillage sur son visage, plus le C'est. CGI qu'ils ont collé par-dessus, c'est vraiment pas beau, quoi. C'est pas Et pas beau beau. dans le sens, c'est pas fait pour être beau, mais dans le sens où c'est pas C'est un esthétique. peu Freddy Voldemort, hein, clairement. Oui, Qui a volé son c'est pas nez. très intéressant. En plus, personne n'a pris plaisir à faire ce film, à commencer par Rooney Mara qui a failli arrêter sa carrière après. Heureusement que Fincher l'a retrouvé. C'est un film qui a pas de qualité. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais c'est un film qui a vraiment rien d'intéressant, quoi. Il y a une vague esthétique un peu sympathique d'un point de vue visuel. Il y a quelques belles images, notamment au début du film avec le jeu sur les lumières, avec le clignotant de l'enseigne du bar. Mais il y a tellement rien en plus de ça que c'est vrai que heureusement qu'ils n'ont pas fait de suite, quoi, parce que c'est un film qui était prévu au départ pour 2 ans plus tard en 2012, ils l'ont pas fait finalement. Heureusement qu'ils l'ont pas fait parce que je vois mal ce qui aurait pu être intéressant. Donc voilà, C'est tout ça clair. pour dire que non seulement c'est prétentieux et désagréable dans l'approche, mais en plus c'est raté dans l'exécution, c'est-à-dire que enfin, il a vraiment rien pour lui, ce pauvre petit film, quoi. Non, non, C'est mais très embêtant. Ouais. visuellement c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir passé le film entier dans le noir, c'est-à-dire qu'on voit rien. Oui, c'est vrai. C'est Il y a un côté un très peu mal solo éclairé. là. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, quoi. C'est très mal éclairé, Ouais. c'est très mal réalisé, je trouve. Même les scènes intéressantes enfin, les relectures, alors là, je mets des grosses guillemets, des scènes intéressantes du premier, elles sont nulles. La scène du bain, je suis désolé, mais ils ont enlevé tout ce qui faisait d'intéressant, enfin, tout ce qui était intéressant dans le premier, sur cette scène du bain avec les gants qui sortent, voilà, qui rendent le truc hyper malsain et enfin voilà, hyper malsain. Et là, ça en fait juste un vieux gimmick parce qu'il fallait le faire, parce que c'était la scène du premier, du coup il fallait le faire, et sans avoir compris l'essence de pourquoi ça rendait, pourquoi la scène était importante dans le premier. Là, on la refait juste bêtement, sans vraiment la réexécuter d'une bonne manière, quoi. Et enfin, ça, c'est symptomatique de toutes les scènes du film. Alors, pour moi, le film est très mauvais. Honnêtement, pour moi, je vais gâcher mon avis, mais c'est le pire film de la saga, C'est le pire, clairement. ouais, je Ouais. comprends, Et ouais. honnêtement, pour moi, c'est le pire parce que y a rien qui fonctionne. Mais par Oui, il n'y contre, a pas d'élément qui retient, quoi, c'est quand même embêtant. les acteurs sont extrêmement, enfin, le jeu d'acteur, parce que les acteurs sont peut-être très bons, mais le Bah jeu oui, les d'acteur acteurs sont très bons, au démarrage, je te le voilà, confirme. c'est ça. Oui, non, mais enfin, les autres, Ouais. voilà, ils sont très bons, mais le jeu d'acteur est très mauvais, honnêtement. C'est Le vrai, ouais. genre de, bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais tu vois, les ados vus par les grands, enfin, par les adultes dans les années 2010, c'est des ados qui se mettent du mascara, enfin, comment dire, des genres de Robert Pattinson bis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les gars, en fait, j'avais l'impression qu'ils avaient plus de mascara que les filles dans ce film. Et ils avaient plus de Ouais, maquillage je que vois les ce que tu filles. veux dire. Ils sont tous surmaquillés. Voilà, ils sont Oui, surmaquillés et il y du a un coup, ça les rend problème hein, pareils. dans T'as l'impression de l'esthétique de voir, façon globale. Ouais. voilà, t'as l'impression de voir un défilé de mannequins, en fait. Et c'est pas des adolescents. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, même Ouais. dans les pires films Freddy, les adolescents, ils ressemblent à peu près à des adolescents. Là, ça ressemble à des trentenaires, Ouais. quoi. Euh, C'est et clairement. c'est et c'est enfin et à une idée de l'adolescent des années 2010 par des quarantenaires, quoi. Clairement, t'as vraiment, enfin, y a rien qui fonctionne. Pour moi, les seuls moments de joie que j'ai eu de ce film, c'est justement parce qu'il est tellement mauvais que ça en devient drôle à certains moments, du genre le mec qui monte pour aller voir Nancy. Du coup, elle s'appelle pas Nancy Thompson, elle s'appelle Nancy Holbrook, mais c'est la même chose, quoi. C'est le même personnage. Oui, c'est Le mec qui vient, pareil. Ouais. qui vient de voir sa copine se faire projeter en l'air avec des bruits d'avion qui sont magnifiques. Honnêtement, je vous conseille juste Oui, cette c'est très scène étonnant comme c'est fait. Ouais. les bruitages de ce film sont, mais du génie. Honnêtement, c'est magnifique à voir en termes nanar, quoi. Et du coup, il vient taper à la. Enfin, non, il vient même pas taper. Il se pointe à la fenêtre de Nancy comme ça. Et genre, il y a un bruit de porte qui s'ouvre ou un truc comme ça. Enfin, pour faire peur, mais qui c'est un énorme cliché, genre de jumpscare des Internet des années 2000, quoi. Enfin, clairement. Ouais, clairement. Et il y a plein de moments comme ça qui sont drôles sans le vouloir, en fait. Sans que le réalisateur l'ait voulu. Et pour moi, c'est le Ouais. seul intérêt du film, quoi. C'est clairement de voir à quel point c'est mauvais, à quel point c'est mal fait, et à quel point c'est mal exécuté, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas non plus énormément de choses à dire de plus. Ça aurait pu être intéressant, un remake Freddy, honnêtement, à notre époque, l'ancrer un peu plus dans notre réalité actuelle. Mais là, Et c'est juste ni fait ni affaire, quoi. voilà, Ouais. c'est feignant, c'est mal fait, c'est mal réalisé. Voilà, il y a que des problèmes dans ce film, et les seuls moments de joie que j'ai eu, c'est de voir les erreurs du film, et du coup que ces erreurs deviennent marrantes, en fait. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être tellement plus que ce que ça a été, quoi. Voilà, et ben on a fini du coup. Eh oui! Oui, j'en ai parlé, mais j'ai pas trouvé non plus de grand, enfin, d'informations sur ce nouveau film Freddy qui devrait sortir en 2020. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu une affiche avec les griffes de Freddy avec 2020 dessus. Donc, on en saura peut-être plus l'année prochaine ou dans quelques mois. En tout cas, Oui, moi j'ai envie de voir ça, hein, ça m'intéresse. après la bande-annonce, je la mettrai en. Si elle est encore dispo sur YouTube, je vais essayer de la retrouver. Ouais, bon après, je la regarde aussi. Je la mettrai en lien dans les commentaires, enfin dans l'article de l'émission, pour vous montrer ça. Moi, honnêtement, ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas? On verra si. Ça ne pourrait pas être pire. Ouais, on va dire ça comme ça. Même oui, si... c'est vrai, ça peut pas. donc voilà, on verra bien. On a fini sur notre retour sur cette saga, et maintenant, le moment que tout le monde attend, c'est notre classement, de ces 9 films. Donc on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on commence du 9e pour monter jusqu'au 1er. Et du coup, Adrien, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors le pire, hein, bon, c'est pas une surprise, et je pense que ça va être le même pour toi. D'ailleurs, tu l'as dit, c'est le remake. Ouais. Hein, voilà, remake ouais, n'a rien, voilà, qui n'a rien à sauver. C'est le seul film Freddy où il n'y a rien à sauver. Je pense que ça, on l'a suffisamment dit. Ensuite, le 6e. En 8e, parce que moi, comme je l'expliquais, il y a quand même énormément de problèmes pour moi de caractérisation du personnage, de maquillage et de construction d'intrigue. Après, ça devient un peu plus compliqué. Non, attends, ça devient pas tout de suite plus compliqué. D'abord, Freddy 4 en 7e, puis comme moi, comme j'ai pu expliquer, et celui qui m'intéresse le moins. C'est après, c'est là que ça devient plus compliqué, parce que à peu près jusqu'au 3e de mon top, là, du 5 au 3, c'est, du 6 au 3, du 6 au 3e, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. C'est juste que je les ai mis dans l'ordre. Donc, Freddy 5, 2 et Freddy contre Jason. Ok. Qui sont trois films Freddy contre Jason, évidemment, le 4e. Qui sont trois films que j'apprécie beaucoup pour différents. Oui, parce que c'est trois films que j'apprécie beaucoup pour différentes raisons, mais en fait, voilà, c'est parce qu'il faut en mettre un au-dessus de l'autre. Ouais. Et que voilà, Freddy contre Jason, c'est celui qui. À la revoyeur, je prends le plus de plaisir dans ces trois-là. Mais disons que voilà, c'est trois films qui pour moi se tiennent vraiment, mais qui atteignent pas l'excellence du troisième qui est Freddy 1, enfin le 1, le Nightmare D'accord. on Elm Street, que j'adore, vraiment, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui manque, pour moi, il manque une petite touche, une toute petite touche d'aller encore plus loin dans l'inventivité visuelle. Ouais. Et ça, c'est ce que fait pour moi le deuxième film, qui est Freddy 3. Qui est un film que j'aime vraiment beaucoup et qui pour moi sert tout à fait l'héritage du premier film en y ajoutant ce petit soupçon d'inventivité visuelle en plus dont je parlais. Et enfin le premier, je pense que c'est pas une surprise à la suite de cette émission, pour moi celui qui est à la fois le plus intéressant d'un point de vue de l'intrigue, du point de vue visuel et du point de vue tout simplement de ce qu'est l'héritage cinématographique de Freddy et même de Wes Craven en général, c'est aussi le meilleur film de Wes Craven, c'est Freddy sort de la nuit. Qui est à la fois pour moi le meilleur Freddy, le meilleur film de Wes Craven et un des meilleurs films d'horreur et métatextuels que j'ai pu voir. Ouais, non, clairement. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ton top. Ça va se retrouver à peu près la même chose, mais il y a des changements un peu au niveau du. En fait, au niveau du trio de tête. Moi, c'est un peu différent, mais on verra ça. Le 9e, c'est pas une surprise, je l'ai dit, c'est Nightmare on Elm Street ou Freddy les griffes de la nuit. Oui, je c'est pense que personne ne l'aime ce film-là. Enfin, ça m'étonne le remake beaucoup, de 2010, honnêtement, il est difficile à aimer. Il est difficile à aimer. Voilà. Ensuite, en 8e position, Freddy 6, donc la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Parce qu'il m'a quand même fait un peu rire, honnêtement, et je le trouve. Voilà, c'est un mauvais film, mais il a son charme. Ensuite, en 7e, La Revanche de Freddy, donc le Freddy 2. Voilà, pour tout ce que j'ai pu dire. Ok. Oui, parce que, en fait, je pense que peut-être qu'il augmentera au fur et à mesure. Ah oui, non, mais je ne te justifie pas. Hein, Non, non, mais je pense qu'il remontera sûrement, c'est possible, si je le revois et que je. Voilà, que j'ai plus les attentes après avoir vu le premier Freddy. Voilà. Ensuite, du coup, on est au 6e, donc Freddy contre Jason. Voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder avec toi. Mais qui est quand même bien nanardesque. Mais qui, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite. On est au 5e, il me semble, voilà. 5e, c'est Nightmare on Elm Street 4, le Dream Master, qui a des scènes, moi, qui m'ont beaucoup plu, voilà, qui propose quelque chose de, Bon, c'est pas ce qui sera au-dessus, mais voilà, moi j'aime bien certaines scènes, je trouve quand même de l'inventivité visuelle à certains endroits, et voilà. En quatrième, Freddy 5, l'enfant du cauchemar. Voilà, pour tout ce qu'on a dit, là c'est vraiment de la bonne inventivité visuelle, ça veut, enfin, ça, on sent l'implication et on sent comment dire, l'envie de faire quelque chose de grand, mais le problème c'est que il n'y a pas le budget pour tout, mais malgré ça, il y a quand Non. même des super, ouais, y a quand même des super bonnes idées. En troisième, Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, Dream Warrior. Warriors, c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup plu, honnêtement, que j'étais très très content de voir, et surtout comme ça prenait la suite quasi directe de A Nightmare on Elm Street en reprenant les personnages. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, c'est un peu compliqué parce que j'ai hésité beaucoup, mais le problème c'est que j'ai vu plus de fois le premier que j'ai vu le deuxième. Donc, du coup, en deuxième, Freddy sort de la nuit ou New Nightmare. Pour l'instant, parce que ça risque de changer si je le Pour revois l'instant, plus. ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Là, je l'ai vu qu'une seule fois, ça a été une grosse claque. Voilà. Mais le problème, c'est que. Et c'est un film génial. Hein, honnêtement, je m'attendais pas du tout à voir un si bon film après ceux qu'on s'est tapés juste avant. Voilà, c'était un excellent film et un super film, justement méta, peut-être le meilleur qui a jamais été fait, honnêtement. Et en premier, du coup, Les Griffes de la Nuit, le premier, l'original, Nightmare on Elm Street de Wes Craven, toujours. Parce que je l'ai vu beaucoup de fois, parce que c'était un de mes premiers films d'horreur que j'ai pu voir, parce que c'est un personnage qui m'a marqué et que je trouve toujours enfin, les scènes. Me mettent en joie à chaque fois. Honnêtement, c'est ce geyser de sang qui sort du lit, moi, ça me met en joie à chaque fois que je le vois. Et toutes ces scènes, toute cette inventivité, et puis la façon dont enfin, dont Wes Craven a créé ce personnage, pour moi, c'est Ouais. vraiment, voilà, c'est le film. Pour l'instant, c'est le film ultime pour moi, Freddy, parce que voilà, y a tout ce que je cherche quand je vais voir un Freddy, il est là-dedans. Voilà. Ouais, que Voilà. Mais après, le 1, 2, 3 peuvent s'interchanger un peu comme. Enfin, non, le 1 et le je 2, vois ce que tu veux plutôt. dire. Voilà. Ouais. je mettrai pas Freddy 3 au-dessus de New Nightmare, ça c'est clair. Oui. Enfin, voilà. Parce qu'il est quand même un peu plus nanardesque. Alors que Freddy New Nightmare, là, il a vraiment. Enfin, il est vraiment. Je trouve qu'il fait vraiment flipper. Voilà. Voilà, bon, bah, on a fini. Ça fait une émission de Absolument. 2h45 à peu près. Voilà, bah, c'était avec grand plaisir que j'ai fait cette émission avec toi, Adrien. Absolument, moi C'était un grand aussi. plaisir de discuter de cinéma d'horreur. Voilà. Je vais rappeler un peu là où vous pouvez nous retrouver, tous les liens, etc. Movies.net, c'est le site internet sur lequel vous pouvez trouver nos critiques, mes émissions audio et vidéo. Ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est Movies Nerd sur Facebook, Movies underscore Nerd sur Twitter, Movies Nerd underscore officiel sur Instagram. Ça commence à devenir compliqué. Et c'est Ah pas bah fini, oui. parce que du coup, le podcast, vous pouvez aller noter sur iTunes et PodCloud comme d'habitude, enfin, j'ai rajouté quelque chose de nouveau depuis quelques jours, c'est que vous pouvez désormais écouter le podcast sur Spotify, sur Stitcher, sur TuneIn, enfin pas mal d'applications de podcast qui étaient pas, enfin, où le podcast n'était pas présent. Notamment Spotify, on me l'a demandé quelques fois, et du coup, là, la façon dont enfin, j'ai pu le faire plus facilement que ce qui était prévu quand ça a été lancé sur Spotify. Voilà. Donc, vous pouvez écouter tout ça, vous pouvez noter sur toutes ces applications. Ça nous fait monter dans le classement et ça nous fait plaisir. Voilà. Moi, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, sur Twitter, sur Movies Nerd. C'est TheLexal, THELEXAL. Voilà. Adrien, quant à toi, où est-ce qu'on peut te Oui, alors retrouver? vous pouvez me retrouver sur Twitter @ParkerMitty, et même si je n'y écris plus beaucoup ni n'interviens plus beaucoup, évidemment toujours sur smallthings.fr pour les critiques ciné et séries, et sur Serial Causeur pour les émissions qui continuent en ce qui concerne les critiques de séries, qui continuent même sans moi extrêmement extrêmement bien. Voilà. D'accord, donc tu n'y interviens plus sur Serial Causeur. Non, j'interviens plus pour des raisons de temps, Oui, bien sûr. surtout, parce que j'ai maintenant ni le temps de vraiment regarder de séries, et vu ce que j'ai à Ça faire prend du dans ma temps. vie professionnelle et étudiante, Hein. j'ai ni le temps de regarder de séries, ni donc d'en parler, donc Ouais, fatalement. ouais. Mais regarder quand même, c'est toujours, écouter quand même, c'est toujours effectivement vachement bien. Bah oui, non, c'est toujours très intéressant. Et ben du coup, merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout, tous les auditeurs. Merci à toi, Adrien, d'avoir participé à ce podcast Movies Now Merci hors de m'avoir série. invité. Ben, c'est toujours un plaisir. Et ben du coup, on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast Movies Nerd. À plus. Salut. Revoir. It's Freddy!